bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est le dernier mardi de l'espace de la saison. J'en entends qui pleurent. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne nouvelle à ce propos. C'est toujours organisé par le CNES, l'Agence française de l'espace, et en association avec l'association Barre des sciences Paris. J'ai une bonne nouvelle, parce que Marie-Claude a eu la gentillesse de vous laisser là des petits flyers comme ça, mais ils servent à rien, Marie-Claude, hein, parce que c'est oui non c'est fini. Il y a simplement les adresses sur la, il y a l'adresse du site web du CNES où vous pouvez trouver le programme pour l'année prochaine. Enfin, il n'est pas encore tout à fait au point, mais dans quelques temps vous pourrez l'avoir. Ah ah, donc effectivement, si ce flyer n'est plus très utile aujourd'hui, on va bientôt en avoir un nouveau. Parce qu'on repart pour une nouvelle saison. Alors, je vais vous indiquer d'ailleurs ce qu'il en est. On se retrouve, je vous donnerai les dates hein, tout à l'heure. En octobre, le 21 octobre, on va parler de la fiction, de fiction et d'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace, la réalité à l'épreuve de la fiction. Le 18 novembre, on va parler de débris spatiaux. Le 16 décembre, de Rosetta. Philae, ce sera posé, hein, vous savez, sur la comète Churyumov-Gerasimenko, enfin, on l'espère en tout cas. Et donc, voilà, Rosetta et le mystère de la comète, on va en tout cas reparler de Rosetta. La vie à bord de l'ISS, ça devrait être avec Thomas Pesquet, vous savez, l'astronaute, enfin, le spationaute français, le 20 janvier. On va parler de Planck le 17 février, de la vie privée des données spatiales en mars, de Taranis le 21 avril, de l'accès à l'eau le 19 mai, et des géocroiseurs, vous savez, ces astéroïdes qui passent tout près de la Terre et qui menacent d'entrer en collision avec elle. Ce sera le 16 juin. Donc voilà, on repart pour une nouvelle saison l'année prochaine. Mais pour l'heure, ben voilà, on va parler de comprendre Mars pour comprendre la Terre ce soir avec les Twittos qui sont présents. Salut les amis, j'espère que ça va bien. Bon. Ils vont raconter, faire le récit de notre barre des sciences sur Twitter, en direct, et donc augmenter, je dirais, notre présence. Hein. D'autres personnes vont être présentes au cours du débat et même vont peut-être poser des questions et interagir avec nous. Vous pouvez le faire aussi en utilisant le hashtag KnessTweetUp. Voilà. Alors, aussi étrange que ça paraisse, on ignore à quoi ressemble, avec précision, la structure interne de la planète Mars. Et pourtant, cette structure interne abrite la machine de la planète qui décide du volcanisme, qui décide de la tectonique des plaques, entre autres choses. Cette machine, la connaissance de cette machine, est un élément indispensable si on veut comprendre pourquoi le destin de Mars est aussi éloigné de celui de notre Terre. Et peut-être même, est-ce qu'on pourra y avoir des éléments pour comprendre pourquoi la vie ne s'est pas développée comme sur Terre ? On va donc s'intéresser à cette question, comprendre Mars pour comprendre la Terre, surtout d'un point de vue géophysique ce soir, car en effet, en 2016, dans deux ans, la NASA va envoyer un atterrisseur sur Mars qui s'appelle InSight. Et à l'intérieur d'InSight, l'instrument principal est un sismomètre qui va donc permettre de sonder les entrailles de la planète rouge. Alors figurez-vous que jamais un sismomètre n'a fonctionné à la surface de Mars. Donc ça va être une première mondiale et c'est une première française car en effet ce sismomètre il a été conçu et fourni par la France. Il s'appelle SEIS, c'est le Seismic Experiment for Interior Structures. Et on en parle avec nos deux intervenants de ce soir, Philippe Lognonnet et Francis Rocard. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous passe le micro. Philippe Lognonnet, dites-nous qui vous êtes, à quel titre vous vous exprimez. Ben, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je me présente, donc je suis Philippe Lognonnet, donc professeur à l'Université Paris Diderot. Sismologue, géophysicien, planétologue, dans l'ordre chronologique. Et donc j'interviens ce soir, je pense, comme responsable scientifique de l'expérience de ce sismomètre hein, sur InSight. Oui, ça doit être pour ça. Voilà. Je pense, effectivement. Donc, vous êtes le responsable scientifique de ce voilà, on va dire un entêté, je pense. Un entêté ah, oui. De cet objectif scientifique depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc, ça fait 25 ans que Philippe Lognonnet, ici présent, essaye de... Tout petit peu moins. Un petit peu moins, presque 25 ans. Non, 25 ans. Ah, ben oui, c'est Francis Rocard qui avait compté l'autre jour. 25 ans. Et ça fait 25 ans que Philippe Lognonnet essaye de fournir, si je puis dire, ces sismomètres qu'il conçoit, qu'il fabrique aussi, hein, pour partie, et pour qu'ils aillent sur la planète Mars et ailleurs. Et voilà, ça y est, vos efforts ont été couronnés de succès. À votre côté, Francis Rocard. Oui, Francis Rocard. Donc moi, je suis du CNES. Je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire, sachant que la France n'a fait aucune mission d'exploration du système solaire, donc j'ai rien à faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai beaucoup à faire, puisqu'on ne fait rien en leadership, mais on participe à beaucoup de missions. En ce moment, Rosetta, vous savez que c'est une année, c'est l'année de la comète 2014, donc Rosetta arrive. Donc cet été, ça va être très, très chaud bouillant. En août, et on se pose le 11 novembre. Et puis InSight, donc en préparation, et puis MSL qui tourne avec MCARM et SAM. MSL, c'est le rover Curiosity qui est sur Mars sur la planète depuis Mars, août 2012. Avec un instrument merveilleux qui s'appelle KemCam dont on a parlé ici. Fête les 2 ans, voilà. Ouais. On est en train de fêter les 2 ans sur Mars, donc champagne, tout ça. Et puis d'autres missions, Mars Express, Vénus Express, Cassini, que sais-je encore, voilà. D'accord. Ça, c'est mon travail, c'est de... faire en sorte que nos scientifiques, dont Philippe, puissent faire voler ces instruments. Voilà. Alors, vous le savez, si vous êtes un habitué des Mardis de l'espace, on a à chaque fois Xavier, Raphaël, qui sont là avec leur clavier. On avait aussi Michel, avec sa guitare. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau venu. Est-ce que vous voulez bien lui réserver une ovation, s'il vous plaît ? C'est Thomas, qui est là ce soir. Thomas ! Bonsoir. Thomas est venu sans clavier, sans guitare. Thomas, c'est à toi. Alors, déjà Mars. Bon bah déjà ça repart. Hein, voilà. Ah ça c'est sûr. Voilà donc ça là elle est faite. Ensuite je me disais Mars, MAR. Voilà Mars c'est un peu ça serait peut-être la mère de toutes les planètes. Ça serait peut-être la mère du dieu de la guerre. Hein, ça serait peut-être la mère de Mars. Ça serait peut-être le nerf de la guerre. Ça serait peut-être l'argent. Peut-être que Mars serait en argent ou peut-être que Mars peut-être est en Argentine en fait. Ah oui. Ou alors peut-être que Mars, MAR, RAM, RM. Alors peut-être que il y a déjà des gens qui ont ramé sur Mars, hein, parce qu'on dit qu'apparemment il y avait de l'eau, et peut-être qu'il y a des gens qui ont traversé les fleuves. Peut-être qu'il y a des gens qui sont passés d'une rive à l'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont les yeux rivés sur la planète rouge et qui tentent tant bien que mal à travers un bateau, enfin un ship, enfin un. Vous avez parlé de leadership. Alors évidemment c'est pas la France, mais il y a un bateau non. Voilà, le panache c'est au bout. Voilà, super. Donc ça c'est gagné. Mars, voilà. Donc il y a peut-être un vaisseau, il y a peut-être un bateau qui va réussir à sonder, qui va réussir à marcher sur Mars. RAS, RAS. Pour l'instant, rien à signaler sur le net ou sur la mer des nets ou sur la net mer ou sur la mer net merde. Je suis pas net, je suis flou. Oui, c'est normal. Je cherche. Moi aussi, je cherche dans un autre secteur, un secteur plus à l'intérieur de ma tête, une planète interne. SRAM, société. J'ai noté quelque chose. J'ai noté site réel d'atterrissage martien. Hein, quand on fait Mars à l'envers, site réel d'atterrissage martien. Alors évidemment, pour vous, pour l'instant, ça n'a pas grand sens, mais ça va travailler au fur et à mesure de la soirée dans vos esprits. Je pense qu'à la fin, en retournant Mars, on arrivera à voir l'autre côté. Ah, Thomas ! On va revoir Thomas tout à l'heure et quand il le souhaite, bien sûr. Alors, je disais, Philippe Lognonnet, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? un sismomètre, on en met depuis des décennies sur la Terre, c'est extrêmement utile. Alors surtout quand il y a autour des volcans, d'autres endroits peut-être. Il y a pas beaucoup. Enfin, les volcans sont pas très actifs sur Mars. Enfin, on les a pas vus actifs. Mais donc on n'a jamais réussi à mettre un sismomètre sur la planète Mars. Bon, on a réussi quand même. En 1976, donc il y a une mission américaine avec deux atterrisseurs qui se sont posés sur Mars, et chacun avait à son bord un sismomètre. Donc, les deux sondes vikings avaient un sismomètre. Mais d'une certaine façon, vous avez raison, ils ne se sont pas posés sur Mars. En fait, les sondes se sont posées sur Mars, mais ces sismomètres sont restés sur l'atterrisseur et n'ont pas été déployés sur le sol. Donc c'est un gros problème. Alors c'était pas forcément un gros problème pour un des deux instruments parce que il n'a pas fonctionné. Donc il y avait un problème de connecteur. C'était un problème pour le second qui a très bien fonctionné, mais qui a essentiellement mesuré les vibrations de cet atterrisseur dans le vent. Alors on évidemment voulait, on avec voulait le recul, on voulait mesurer les mouvements profonds de Mars. Et finalement, qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré donc finalement le bruit, le déplacement, les vibrations de cet atterrisseur dans le vent. Alors évidemment, c'était pas exactement le but. Voilà. D'accord. Alors ça c'est la version moderne. Hein, c'est-à-dire Francis Rocard, l'anémomètre. Pardon. Oui. Alors, ça s'appelle l'anémomètre. La version moderne est toujours de dire oh là là. Un anémomètre luxueux, dit Francis Rocard. Oui, mais bon, à l'inverse, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. À l'époque, c'était la première mission qui s'en allait vers Mars. La place était extrêmement chère. Le responsable scientifique de cet instrument est un des plus brillants sismologues américains qui s'appelle Don Anderson, donc qui a partagé avec un autre sismologue américain, Adam Zewoski, l'équivalent du prix Nobel en sismologie. Donc, ah bon, pas mal, d'accord. Voilà, donc on ne peut pas dire, voilà, c'était un imbécile. Ils n'y comprennent rien. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que au début, ils souhaitaient que cet instrument soit installé à même le sol, et il y a eu des problèmes techniques qui font qu'à la fin, cet instrument en fait est resté sur le pont de l'atterrisseur. À l'inverse, on ne savait rien du tout de la planète. Et également, la nuit, quand le vent ne soufflait plus, l'instrument était plat, c'est-à-dire qu'il mesurait pas de signaux. Mais il ne mesurait pas de bruit non plus. Donc ce n'est pas réellement un échec complet, c'est tout simplement une progression. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a cette constance dans l'exploration spatiale. La plupart du temps, les premières fois, les expériences ne sont pas très bien. Il y a une progression. Ce n'est pas facile d'aller installer quelque chose à une centaine de millions de kilomètres de nous. Et c'était encore moins facile de le faire dans les années 70. 1976, deux sismomètres, l'un qui marche pas, l'autre qui enregistre les vibrations du vent sur la machine, d'accord. D'autres tentatives ensuite. Alors la seconde tentative, donc elle me touche un peu plus dans la mesure où j'arrive un petit peu dans l'histoire à ce moment-là, du moins l'histoire entre guillemets. Avec un grand H. Oui, justement, avec un petit, en ce qui me concerne. Bon, donc, l'histoire avec un grand H, ce sera en 2016, quand InSight décollera. Oui. Donc, c'est la mission Mars 96, c'est la dernière mission de l'Union soviétique, n'était pas tout à fait d'ailleurs la dernière mission de l'Union soviétique, parce que lors de l'intégration, je me rappelle avoir été à Moscou quand le drapeau soviétique a été remplacé par le drapeau russe. Mars 96, qui in fine est un échec lors du lancement. On a eu un privilège Il y avait un sismomètre, c'est vous qui l'aviez. Il y avait deux sismomètres. En fait, il y avait quatre atterrisseurs, deux petites stations et deux pénétrateurs. Donc les pénétrateurs, c'est une sorte de flèche qui vont se planter dans le sol. Les atterrisseurs, c'était des sortes de deux. Qui devait se poser et qui était équipé de sismomètres, donc d'un instrument pour mesurer les vibrations, de nouveau, de magnétomètres, de capteurs de vent, de température, de pression, et puis d'une caméra. Et ce sismomètre avait un nom prédestiné pour Philippe, puisqu'il s'appelait Optimisme. Et or, je crois que Philippe a le record de la persévérance pour faire voler un instrument, puisque effectivement, il a fait le premier en 87 pour le faire voler en 96 au fond du Pacifique. Et ensuite, combien ? 8 tentatives sur des missions toutes avortées. C'est ça, c'est 8 à peu près ? Bon, en gros. Et pour arriver à InSight aujourd'hui. Donc 25 ans, voilà, ça vous donne le résultat ici. C'est la pugnacité faite homme, là. Ça s'applaudit, là encore. Hein. Bravo. J'en connais peu qui ont tenu avec une telle persévérance. J'en connais peu qui ont tenu avec cette persévérance. C'est quoi un sismomètre, Philippe Lognonnet ? Donc un sismomètre, c'est tout simplement un instrument qui va mesurer les vibrations du sol. C'est pas très compliqué, donc on va tout simplement essayer de voir si le sol vibre. Ils peuvent vibrer pour plusieurs raisons. En général, ils vibrent parce que vous avez un tremblement de planète, que ce soit la Terre, la Lune, Mars, pour nous, qui a eu lieu. Et donc ce tremblement de Terre va générer des ondes, hein, et ces ondes vont faire vibrer le sol. Alors évidemment, quand vous êtes proche d'un séisme, on sent les vibrations du sol. Donc nous sommes des sismomètres, quelque part. Si vous prenez, nous sommes nous-mêmes des sismomètres. Bah oui, dans la mesure où on va détecter les vibrations d'un camion qui passe près de chez nous. Si vous prenez un petit scorpion, c'est un très bon sismomètre, hein, dans la mesure où le scorpion va détecter les vibrations du sol d'un ver, hein, créé par un ver, et c'est comme ça qu'il est capable de détecter le ver. Un ver VER. Un ver de terre. D'accord. Mais évidemment, on a choisi de faire une chose un peu plus sensible, hein, et donc c'est un instrument qui va tout simplement mesurer si le sol vibre. Alors ça existe depuis un peu plus d'un siècle. Donc le premier enregistrement fait par un instrument, on va dire moderne, date de la fin du 19e siècle. Néanmoins, c'est aussi des instruments qui avaient une version un petit peu ancienne, il y a 1500 ans, et qui ont été développés dans les 300-400 premiers... au deuxième ou troisième siècle par des Chinois, et où là l'instrument mesurait simplement le déplacement du sol et indiquait la direction d'arrivée des ondes. Donc ça permettait à l'époque à l'Empire chinois de savoir qu'il y avait eu un fort séisme dans une certaine partie de la Chine, à l'est, à l'ouest, au nord, etc., et que ça les aidait dans, j'imagine, un petit peu le début des secours. Voilà. Francis Rocard. Alors, moi, j'ai une question à poser à l'assistance. Ceux qui ont déjà ressenti un séisme dans leur corps lèvent la main. Ah, il y en a. Il y en a un peu. Je savais que Mathieu, qui est ici présent, qui est du CNES et qui avait eu 15 ans au Japon, aurait levé la main parce que moi, j'en ai ressenti un. Merci. Alors là, il y en a bien 25%. En fait, il y a peut-être un quart des gens qui ont ressenti un séisme. C'est quand même très rare en France. Il y en a très, très peu. Et on ne les sent pas. Enfin, c'est rarissime. Moi, j'ai jamais senti beaucoup de séisme en France. Mais à Tokyo, effectivement, quand ça vibre, et ça vibre en basse fréquence, c'est assez étonnant. Je fais le mouvement en ce moment. Vous vibrez un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est lent, hein. Vous êtes sur votre siège et vous vous demandez ce qui se passe. Et en fait, ça vibre très, très basse fréquence. Ouais. Et voilà. D'où le fait que VBB, qui est le sismo de Lognonnet. C'est son nom, hein. C'est un VBB. VBB, ça veut dire Very Broad Band, c'est-à-dire très large bande. C'est pour aller vers ces basses fréquences. Alors il se trouve que c'est pas pour les tremblements de Mars qui veut aller vers les basses fréquences, mais pour détecter des choses plus subtiles qu'il va nous expliquer. On reviendra peut-être vers la Moi subtile. J'ai un fait pour la sismologie de Philippe, parce que il se trouve que mon grand-père a déposé un brevet sur les sismomètres, donc voilà, la boucle est bouclée. Ah, c'est d'accord. Une belle histoire. Une belle histoire. Belle histoire. Alors Francis Rocard. Bon, je vous pose la question peut-être à tous les deux, mais on veut effectivement comprendre la Terre à partir de la compréhension de Mars. Ce qu'on va apprendre de Mars, là, à cette occasion, on va pouvoir l'utiliser pour mieux comprendre la Terre. Alors, ce qui est terrible, c'est que toutes ces questions, c'est à Philippe de répondre. Moi, j'ai rien à dire. Je vais peut-être lui passer la parole. Non, mais alors on peut. C'est le spécialiste de l'intérieur des planètes. D'accord. Bon, il y a une image que j'aime bien utiliser pour expliquer un petit peu le pourquoi. Le pourquoi, imaginez, vous avez une super Ferrari en face de vous. Vous avez une 2 chevaux, d'accord ? Et vous ne savez pas que, en fait, la Ferrari a été trafiquée. On a mis un moteur de 2 chevaux et à l'inverse, on a, comment dire, mis un moteur de Ferrari dans la deux chevaux. Quand vous vous arrêtez à l'aspect, bien, bah, l'une semble être une Ferrari et puis l'autre semble être une deux chevaux. Et il n'y a qu'en mettant le moteur en route ou éventuellement en ouvrant le capot que vous allez découvrir la supercherie. Et je crois que le problème un petit peu de la planétologie vis-à-vis de l'intérieur des planètes est un petit peu le même. C'est-à-dire qu'on a des planètes, on les a vues uniquement par la surface. On sait qu'elles fonctionnent. En fait, une planète, c'est une machine, hein, c'est une machine thermique. Et comme toutes les machines thermiques, il y a une source de chaleur, il y a une source de refroidissement, et puis ça va transformer la chaleur en travail. Et ce travail sur Terre, hein, on le vit, on l'a vécu depuis 4 milliards d'années, parce que c'est le volcanisme terrestre, c'est le champ magnétique de la Terre, c'est la tectonique des plaques. Et donc sans ce travail, la Terre ne peut pas vivre comme planète. Et si elle ne peut pas vivre comme planète, elle ne peut pas non plus héberger de la vie pendant très longtemps. Mars est on a besoin d'avoir un moteur qui fonctionne, de la chaleur à l'intérieur, pour qu'il y ait de la vie à l'extérieur. Alors, c'est-à-dire que vous avez deux problèmes sur la vie. Il y a donc toute une communauté scientifique, hein, et d'ailleurs qui est complètement partie prenante dans l'exploration de Mars, qui s'intéresse à la question de l'apparition de la vie sur une planète. Est-ce que la vie a pu apparaître sur Mars ou pas, il y a 4 milliards d'années mais ce que l'on sait, c'est que même si il y a 4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de la planète, que peut-être la vie est apparue, on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Ce qu'on sait par contre, c'est que la planète a cessé de fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire, cesser de fonctionner ? Cesser de fonctionner, ça veut dire que vous cessez de maintenir à la surface une température qui permet à l'eau liquide de rester à l'état d'eau liquide, que vous cessez d'apporter à la surface de la planète des roches neuves. Hein, on connaît tous que l'homme se plaît à vivre près des volcans, non pas parce que les volcans sont des endroits où vous pouvez mourir d'une nuit ardente, mais tout simplement parce que c'est des endroits où vous pouvez avoir une agriculture exubérante avec très peu d'efforts, parce que les terres sont extrêmement fertiles. Donc vous avez cette idée que des roches volcaniques sont des roches qui sont très riches en nutriments. Et donc on retrouve un petit peu les idées, c'est-à-dire que le volcanisme va vous donner des roches fraîches à manger, entre guillemets. Le volcanisme va vous donner une atmosphère, va vous maintenir votre planète dans des conditions propices à la vie. Et si ce volcanisme s'arrête, si la tectonique des plaques, par exemple, s'arrête aussi sur Terre pour d'autres raisons, eh bien, in fine, vous passez d'une planète qui était habitable à une planète qui ne l'est plus. Donc le problème de la vie est d'abord que cette vie doit apparaître. On ne connaît toujours pas la réponse. Peut-être on la connaîtra avec des futures missions. Curiosity pourrait peut-être nous aider. D'autres missions de l'Agence spatiale européenne encore plus. Mais en plus de ça, vous avez ce problème de la survie de la planète. Et là, pour savoir si la planète peut survivre... La survie sur la planète, ou la survie de la planète. Du moins, le fonctionnement de la planète. Pour savoir si votre planète est capable de fonctionner pendant quelques milliards d'années, plusieurs milliards d'années, là, la réponse est dans le moteur. Et la vie n'y peut rien. Et donc, on ne connaît pas le moteur. On sait qu'on a une voiture, mais on ne sait pas si c'est un moteur de deux chevaux ou... Voilà, ce qu'on sait, c'est que c'est sûrement pas un moteur de camion, parce que la taille de la planète est ce qu'elle est. Hein. Ah oui, elle est plus petite quand elle même plus petite que la Terre. Ouais. Donc il y a un certain nombre d'idées qui vous disent que vous ne pourrez pas avoir le même type de manteau que celui de la Terre à très haute pression, parce que de toute façon le manteau, il y a la croûte. Alors, d'abord. Voilà, ah oui, mais on voit pas le. Donc on n'ouvre pas les images, ouais. Mais. Donc une planète, en fait, et donc vous prenez un fruit, voilà, votre fruit préféré. En général, vous avez, alors, on va prendre un abricot, par exemple. La banane. Bah justement, banane, on est plutôt dans un petit corps. Alors, donc une planète est un objet qui est rond. Alors pourquoi il est rond ? Parce qu'il est suffisamment gros pour que son attraction rende sa forme ronde. Donc on va prendre plutôt une pêche. Et vous avez donc un noyau, le noyau de la pêche, un manteau, donc la chair de la pêche, et puis vous avez une croûte qui est la peau de la pêche. Donc c'est à peu près les subdivisions d'une planète. Et d'ailleurs, finalement, sur la taille, hein, c'est presque la même chose. La Terre a une croûte qui fait une petite soixantaine de kilomètres, un manteau qui va faire presque 3000 kilomètres, et puis un très gros noyau quand même, à peu près le reste, donc 2800. Donc à 3400 si on part du centre. Donc vous avez ces trois subdivisions. Ce qu'on sait, c'est que le centre, c'est plutôt du fer. Le manteau, dans, c'est... Dans quel état ? Alors, ça, c'est une question. La plupart du temps... Alors, sur Terre, on sait que le fer est liquide pour le noyau externe et puis solide pour le noyau interne. Sur la Lune, pendant longtemps, j'enseignais à mes étudiants que la Lune était petite, elle était froide et que le noyau était solide. Et j'ai enseigné ça jusqu'à ce qu'on découvre que le noyau était liquide en 2000. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais dire, évidemment, sur la Lune, le noyau est liquide, parce que maintenant, on a compris pourquoi il est. De la même façon qu'il y a 15 ans, j'enseignais le fait qu'il était solide, parce qu'on comprenait pourquoi il était solide. Mais donc, sur la Lune, on sait qu'il est liquide. Sur Mars, on pense qu'il est liquide. On ne sait pas s'il y a une graine ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un noyau solide. Ouais. On pense qu'il n'y en a peut-être pas, mais a priori, le noyau est liquide. D'accord. Et enfin, vous avez le manteau, le manteau qui est en général solide. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'y a pas du magma sous nos pieds. Vous avez des roches qui sont très chaudes, qui, à certains endroits, peuvent avoir un petit peu de fusion, mais ce n'est jamais du magma, pâteux. Et enfin, vous avez la croûte, et la croûte qui est très légère et qui, suivant les planètes, provient soit de la formation de la planète, c'est-à-dire d'il y a plus de 4 milliards d'années, et dans d'autres planètes très rares, comme la Terre, qui est quelque chose qui est produit en permanence par la tectonique des plaques, pour la croûte océanique. Alors, je vais vous passer le micro dans quelques instants. Je vais venir vers vous. Vous pourrez poser directement vos questions à nos deux intervenants. Francis, quand même, on peut parler de l'histoire comparée de Mars et de la Terre, parce que finalement, elles sont pas très éloignées l'une de l'autre, bon, quelques centaines de millions de kilomètres. Leurs tailles sont relativement comparables, même si Mars est quand même pas mal plus petite. Il y en a une qui est toute froide, l'autre où il n'y a pas d'eau liquide. Nous, on a de l'eau liquide. Nous, on a une atmosphère, il n'y en a pas sur Mars. À l'origine, elles étaient relativement comparables. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y en a une qui a divergé. Et son moteur, apparemment, ne fonctionne peut-être plus. Oui, alors, quand on écoute Philippe, d'abord, il faut le croire. C'est-à-dire que il vous raconte l'intérieur de la Terre, il vous raconte l'intérieur de Mars, mais finalement, il n'y a que les géophysiciens qui peuvent mesurer ça. Ils le mesurent comment ? Parce qu'il ne vous l'a pas dit. Mais c'est par les transitions des ondes sismiques, les ondes P, les ondes K, les ondes S. Donc c'est avec les sismomètres, justement. C'est avec des sismomètres qu'on détecte. Il y a des ondes qui ne passent pas à l'intérieur du noyau et on peut savoir que c'est liquide ou que ça ne l'est pas, etc., etc. Et vous voyez qu'il a enseigné pendant 15 ans que c'était un noyau solide sur la Lune et finalement ils se sont trompés. Donc il faut prendre ça un petit peu avec des pincettes. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'il n'avait pas les données. Apollo, c'était il y a plus de 30 ans. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, Mars, la Terre, Vénus sont très certainement formés avec des matériaux très similaires. Vénus est tout près de la Terre également, et d'une taille aussi comparable à la Terre. On ne parle pas de distance à la Terre, mais plutôt de distance au Soleil. Mais oui, bon, tout ça est, bien sûr. Et dans des régions similaires, c'est-à-dire une zone où il a fait suffisamment chaud pour que l'eau soit gazeuse. Il y a ce qu'on appelle le mur de glace, ou la ligne des glaces, c'est la même chose. C'est la zone vers à peu près 5 unités astronomiques, 5 fois la distance Terre-Soleil, où au moment où tout ça s'est formé, l'eau était solide. Et donc à ce moment-là, au-delà, vous avez des noyaux solides qui sont formés. L'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est ce que je viens de dire. Merci de me faire répéter ce que je viens de dire. Pardon. Alors, les planètes telluriques, c'est en deçà de la ligne de glace. Donc ça veut dire que ces planètes se sont tous formées par agglomération de ce qu'on appelle du matériau réfractaire, c'est-à-dire des silicates, des roches, des cailloux, alors qu'au-delà, c'était du mélange de silicates et de glace. C'est ça la grande différence entre les planètes géantes glacées, les planètes glacées et les planètes telluriques. Mais il y a eu un problème avec Mars, qui est la plus éloignée des trois, la Terre, Vénus et Mars, c'est que Jupiter s'est formé la première. Ça, c'est très important de le rappeler. Très, très vite, Jupiter se forme. Et en fait, Jupiter a fait un grand tac. Ça, c'est un modèle récent qui a été déterminé par Alessandro Morbidelli à Nice. Comment on écrit tac? TACK, ça veut dire aller-retour. Aller-retour. Vous savez que avec les planètes extrasolaires, on le sait de plus en plus, ça nous, les planètes migrent. Donc Jupiter a migré. Pourquoi ça migre? Parce qu'il y a un gaz résiduel, ça crée un frottement, et vous avez une force de frottement et une force de gravité, ça fait une spirale, et donc ça fait migrer vers l'étoile centrale. Ah, je vais me permettre de t'interrompre quand même. Migrer, ça veut dire quand même que Jupiter, qui est quand même une planète assez éloignée du Soleil, à un moment donné de son histoire, s'en est rapproché, s'est rapproché du Soleil. Hein, c'est ça, c'est que ça veut dire. Que je viens de dire. Migrer, moi je sais pas ce que ça veut dire. Migrer, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire un équilibre entre la gravité et le gaz résiduel. Le gaz résiduel crée un frottement, et donc vous avez cette planète qui fait des spirales en se rapprochant progressivement du Soleil. Et donc, normalement, on aurait dû avoir une Jupiter chaud, comme on en voit beaucoup autour des planètes, des autres étoiles. Vous savez qu'on en a 1800 et il y a les 75%, les trois quarts en gros, de ces planètes extrasolaires sont quasiment des Jupiter ou des Neptunes chauds, c'est-à-dire très près de leur étoile. Et ça ne s'est pas passé chez nous. Et là, c'est un miracle. On peut appeler ça un miracle ou une exception. C'est que Saturne s'est formé juste après. Et il y a eu un phénomène. Alors là, il n'y a que Alessandro Morbidelli qui peut vous l'expliquer parce que c'est incompréhensible par les mains. Mais Saturne a migré. Et Saturne et Jupiter se sont retrouvés dans une résonance 3-2. Et allez comprendre pourquoi. Une résonance 3-2. Ça veut dire que quand Saturne fait 2 tours, Jupiter fait 3 tours. Voilà. Et donc, elles se sont calées l'une sur l'autre de cette manière-là. Alors, ça les cale. Ouais. Bonne remarque. Mais là où c'est incompréhensible, c'est que ça les fait revenir en arrière. Ah. Et ça, c'est subtil. Elles s'éloignent à nouveau du Soleil. Voilà. Ah, d'accord. Puisqu'en gros, Jupiter s'est formé à 3-4 unités astronomiques et descendu à 1,5. 1,5, c'est la distance de Mars. Ouais. Et revenu ensuite à 5, qui est la distance actuelle. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Et surtout une exception. Une exception du système solaire. Et c'est fondamental, cette histoire. Moi, Jupiter est reparti en arrière vers le fin fond du système solaire. Et alors, qu'est-ce que ça change? Alors, ça a foutu un grand bordel. Ah oui? Le grand bordel, c'est que tous les petits corps qui étaient là ont été, tel un jeu de billard, ont été expulsés. 99% de la ceinture principale a disparu. Un petit corps, c'est quoi? C'est des astéroïdes. Des astéroïdes. Des astéroïdes en cours de formation. On est à quelle époque, là? On est à quelle époque? Les planétésimaux. Jupiter s'est formé en quelques dizaines de millions d'années. Donc, on est à 4 millions. On est dans les 50 premiers millions, 100 premiers millions d'années. D'accord. De l'histoire. Et le système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Hein, donc 4,568, on a une précision fabuleuse. Excuse-moi. Voilà. Et donc, ça a fait le ménage, et ça a enlevé la nourriture qu'aurait pu absorber Mars. C'est-à-dire, Mars aurait pu absorber des tas de petits corps et grossir, simplement, Jupiter les avait enlevés. D'accord. Donc, Mars n'a pas grossi. C'est son drame. Mars a la moitié du diamètre de la Terre, donc 2 puissance 3, ça fait 8. On est presque à un facteur 10 en volume. Et comme l'a dit Philippe, une planète, il l'a peut-être pas dit comme ça, mais je vais le dire comme ça, une planète, c'est une source chaude. C'est-à-dire qu'au moment où elle se forme, il y a plein de chaleur à l'intérieur. On va parler de flux de chaleur tout à l'heure. C'est important. Et la chaleur rayonne par la surface, 4 pi r2, la surface de la sphère. Plus un corps planétaire est petit, plus il se refroidit vite. Tous les petits corps, tous les astéroïdes sont complètement froids. D'accord. Alors, pourquoi c'est un drame? Donc Mars, on a compris. Attends, on a compris. Oui, on a compris pourquoi il était petit. Ben oui, on a compris qu'il était petit. Plus un corps planétaire est petit, plus il se refroidit vite. Mars étant 10 fois plus petit en volume que la Terre, Mars est refroidi vite. Okay. Donc son intérieur s'est figé, d'où le fait que Mars est géologiquement mort, même si, et c'est là où je voudrais faire une petite correction, on est à peu près sûr qu'il y a eu des coulées de lave qui ont moins de 10 millions d'années sur Mars. Donc il y a eu encore du vulcanisme. 10 millions d'années, c'est rien du tout. Ouais. Comparé à 4,56 milliards. D'accord. Donc il y a quand même une petite énigme là-dessus. C'est pas complètement éteint. Mais bon, c'est des comptages de cratères, mais c'est admis. Mais on n'a pas trouvé de point chaud sur Mars. Hein. C'est un volcan. Par infrarouge thermique, on a regardé. On n'a pas trouvé de signature chaude à la surface de Mars qui serait. Le fait que, mais en Auvergne, on ferait la même chose, on trouverait rien. Pourtant, il y a des sources chaudes à 82 degrés, chaudes aigues. Donc, même si nos volcans d'Auvergne sont endormis, ils peuvent se réveiller. Et sur Mars, je dirais, c'est la même chose. À l'échelle du million d'années, on pourrait avoir un volcan qui se réveille. Donc, Mars est refroidi. La température est aujourd'hui froide, c'est un désert glacé. Et température, moyenne, c'est moins 50, mais c'est moins entre 50. 0 et moins 100. Entre 0 et moins 100, oui. 0 le jour, moins 100 la nuit, hein, c'est plus parlant, je trouve. Le moins 50, il ne veut pas dire grand-chose quand ça fluctue énormément. Et voilà. Et donc, après, on pourrait parler de la tectonique des plaques, qui est un aspect extrêmement important. Non, on y reviendra peut-être ensuite, hein, à la tectonique des plaques. Voilà, on a commencé à entrer dans ce sujet-là de cette manière-là. Vous avez compris, on va surtout parler de géophysique, comparer Mars, la Terre. On a cet instrument tout à fait étonnant qui s'appelle le CEIS, dont on va reparler. Comment est-ce qu'on déploie CEIS à la surface? Tout ce récit, on l'a pas fait. Voilà, c'est comme ça, les barres des sciences. Eh ben, on discute et avec vos questions, on va construire nos connaissances finalement, madame. Bonsoir. Et pendant la migration, la Terre et Mars sont restés gentiment à leur place, 1 et 1,52 unités astronomiques. Alors, la migration a eu lieu très tôt, au moment où la Terre, Mars et Vénus étaient en train de se former. Donc, Mars est la plus extérieure, donc c'est elle qui a subi. Les conséquences, Mars est 1,5 unités astronomiques et j'ai dit que la Jupiter avait migré jusqu'à 1,5. Elle aurait pu être absorbée par Jupiter. Absolument, absolument. Mars aurait pu être absorbée. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Mars a été est une espèce d'embryon de planète qui a perdu peut-être 80% de sa masse. Elle n'a jamais pu accréter 80% de sa masse, à peu près. Il y a 1 et pas 1,5, elle aurait dû dégager à l'intérieur ou je sais pas où. Non, parce qu'à 1, vous êtes un peu plus protégé. Et Vénus était encore plus près, et Mercure aussi. Donc ils ont été moins affectés par le grand chambardement, le grand jeu de billard qui a eu lieu dans les 50-100 premiers millions d'années. Et surtout, les planétésimaux au niveau de l'orbite de la Terre, eux, ils n'ont pas beaucoup été chamboulés. Et la Terre les a accrétés et a formé une planète qui est à peu près la taille de Vénus. Donc là, on est à peu près cohérent. Le planétésimaux, c'est des petits corps, mais c'est sphériques. Hein. C'est un petit peu les astéroïdes, c'est des corps qui se sont agglomérés, qui ont été captés par un corps un peu plus gros qui est devenu la planète Terre ou la planète Vénus ou la planète Mars. D'autres interventions, monsieur. Oui, ma question, c'est comment vous avez pu déterminer le va-et-vient de Jupiter, que je trouve vraiment très étrange. À vrai dire, donc ça c'est le résultat de modélisation. Donc il n'y a pas de données de ce passé, de ces migrations là. Donc celle-là. De ces migrations de Jupiter, il n'y a pas de données. C'est un des grands problèmes d'ailleurs de ces modèles de formation des systèmes planétaires. C'est-à-dire qu'on a le résultat final aujourd'hui. Oui, on a certaines indications de chronologie qui viennent de l'analyse d'échantillons extraplanétaires. Et après, en fait, il faut réussir à faire des scénarios qui vont essayer un petit peu de coller avec tout ça. Donc c'est vrai que dans ces modèles-là, il y a des faits importants. Par exemple, sur Jupiter, donc, Francis vous a dit que Jupiter s'est formé très rapidement, et la raison en fait est assez simple, c'est-à-dire que quand on essaie de comprendre la façon dont les étoiles fonctionnent quand elles sont très jeunes, lorsqu'elles sont très jeunes, elles ont un vent stellaire, un vent solaire extrêmement fort, et ce vent stellaire... Donc ça, c'est de l'éjection de particules. Si vous voulez, donc, dans la première phase de leur vie, c'est des adolescents fougueux qui vont émettre énormément un jet très fort. Hein, et ce vent solaire va repousser tout ce qui est gazeux. Et en particulier, va repousser tout l'hydrogène. Donc quand on part, par exemple, du constat que Jupiter et Saturne sont faits essentiellement avec de l'hydrogène, ça veut tout simplement dire qu'ils ont été formés à cet endroit-là. Donc à grande distance, mais à un moment où vous aviez encore de l'hydrogène. Et ce qu'on sait également, c'est que si c'était formé, par exemple, 20 millions d'années après la naissance du Soleil, il n'y avait plus d'hydrogène à cet endroit-là, parce que cette phase très violente qu'on appelle Theta Tauri, en fait, avait eu lieu avant. Donc vous voyez, le gros problème de tous ces modèles, c'est que c'est un ensemble d'indications, de données. Vous avez un grand puzzle et ensuite il faut essayer de mettre toutes ces pièces ensemble pour avoir un scénario qui va expliquer tout. Voilà. Et ça, c'est la beauté du travail en fait de l'équipe de Nice et puis de Morbidelli, qui a été de proposer ces scénarios qui ont réussi, par exemple, à expliquer pourquoi il y a 3,8 milliards d'années, on a eu ce qu'on appelle un bombardement massif dans le système solaire. Bombardement de météorites. De météorites qui a criblé la surface de la Lune, qui a vraisemblablement criblé la surface de la Terre, mais on n'a plus dit... Donc voilà, on a des indications voilà. comme ça, on arrive à raconter l'histoire. Exactement. Ouais, ouais. Francis Roquin. L'intérêt du modèle, c'est qu'en fait, il explique la situation. Il explique le fait que Mars est petite. Sinon, on ne sait pas l'expliquer. Or, il faut enlever toute la nourriture de Mars. Et par la dynamique et le modèle a simulé la migration par le freinage lié au gaz, et ensuite la formation de Saturne et le fait que, pour des raisons mystérieuses encore une fois, Jupiter et Saturne se mettant en résonance 3-2, ils se mettent à reculer. Ça, pour moi, c'est très mystérieux. Hein, ça, mais on ne sait pas pourquoi. Mais ça recule. L'affirme. Mais oui. Surtout, ça explique pourquoi Mars est petite. C'est fondamental ça, aujourd'hui. Fondamental. Sinon, les simulations de formation du système solaire donnaient un Mars trop gros et on ne comprenait pas pourquoi. Mais d'une manière générale, en gros, l'idée forte, c'est que quand vous avez un objet massif, hein, cet objet massif va empêcher la croissance des planètes. Et donc dans le système solaire, un objet massif comme Jupiter. Voilà, mais à l'inverse, vous pouvez regarder aussi Mercure. Mercure, c'est un petit peu le même problème. Tout petit, tout près du Soleil. Sauf que vous êtes près du Soleil. Oui. D'accord. Et également à l'inverse, il y a cette idée que vous avez une sorte de loupe qui va concentrer à l'inverse la matière entre les deux objets massifs que sont le Soleil d'un côté et Jupiter de l'autre. Et c'est effectivement là qu'on trouve à la fois Vénus et la Terre qui ont toutes les deux à peu près la même taille. Donc ça, c'est des points importants. Il y a eu des modélisations qui ont été faites où, par exemple, on s'est amusé à enlever Jupiter. Qu'est-ce qui se passe quand et on enlève Jupiter ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrive à beaucoup plus de planètes, mais elles sont toutes un peu plus petites. D'accord. Que la Terre. D'accord. Plus grosse que Mars, mais un peu plus petite que la Terre. On a une autre question ici, monsieur. Merci. Disons que par rapport à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de ces planètes, c'est-à-dire qui ont des orbites définies et qui apparemment ne peuvent pas changer quoi finalement. Alors c'est vrai que c'est très étonnant d'apprendre que Jupiter a pu se balader, etc. Mais donc alors finalement ces orbites sont pas définitives, par exemple éventuellement plus tard, enfin dans l'histoire à venir du système solaire, on pourra avoir encore des phénomènes comme ça. Absolument, absolument. D'ailleurs Jacques Lascar qui travaille à l'IMCCE, ex-bureau des longitudes, a fait une simulation du futur et aboutit au résultat qu'à l'échelle de très, très, long, très longue durée, il y a une probabilité non négligeable que les planètes se percutent parce qu'il peut y avoir des variations d'excentricité, c'est-à-dire d'une orbite elliptique, on arrive à d'une orbite circulaire, on passe à une orbite elliptique. Et si vous êtes elliptique, donc, vous éloignez longer, ouais. un moment du Soleil, vous pouvez aller taper la planète d'à côté. Et donc, il y a une probabilité d'1% qu'il y ait un choc fatal entre quelque chose comme Mars et la Terre. Donc, la probabilité est faible, mais ce n'est pas impossible. C'est des calculs dynamiques assez subtils. Je reviens un peu à ma question précédente. Le grand bombardement tardif, à peu près à 800 millions d'années, c'est bien quand Jupiter s'est approché et a fait dégager plein de petits corps. Oui. Donc, si ça a pu cratériser là fortement, bon, sur la Terre, on ne voit plus, mais la Lune, Mars... C'est bien qu'elles étaient déjà formées. Ah oui, il y a eu deux phénomènes. C'est l'un pas celui-là. À 50 millions, l'autre à 700 ou 800 millions. Ah oui. Deux fois ça s'est produit, c'est différent. Jupiter s'est approché deux fois. Oui, bon, l'un s'appelle le Grand Hack, l'autre s'appelle le modèle de Nice, et ils sont séparés de 6 à 700 millions d'années. Mais c'est le même auteur, c'est Alessandro Morbidelli. Mais ça n'explique pas les mêmes choses. Le premier explique la taille de Mars, le deuxième explique le bombardement. C'est pas mal, ça, c'est fort. C'est bon, fort. Ceci dit, les planètes se forment très très vite. Hein. Ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que certes, il va y avoir des collisions. La Terre, hein, d'ailleurs, est le résultat d'une collision d'une planète primitive qui ressemblait presque à la nôtre avec une autre planète qui avait à peu près la taille de Mars. C'est pour ça que la Lune est là. Mais c'est le résultat de la voilà, c'est le résultat, de cette collision. Donc, c'est on ne sait pas très bien exactement quand ça s'est produit. Ça s'est produit quelque part entre 4,5 et 4,43 ou une chose comme ça. Attendez, 4,5 quoi ? 4,5 milliards d'années, 4,43 milliards d'années. Le système solaire venait de... Voilà, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça s'est produit. À l'époque, ça bombardait beaucoup. Ça bombardait, là, ça y est. Et ce qu'il faut quand même voir, c'est que des impacts comme ceux-là, c'est des choses assez inimaginables. Hein, vous avez une planète comme Mars qui arrive à peu près à 20 km par seconde, ce qui veut dire qu'en 10 minutes, vous faites le calcul, 10 minutes, ça fait 600 secondes, à 20 km par seconde, ça veut dire que la planète qui est arrivée est à 1200 km sous nos pieds. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, il ne faisait pas bon vivre sur Terre. Mais à peu près la moitié de la surface de la Terre est partie dans l'espace à ce moment-là. Mais ça, c'est des événements qui ont eu lieu d'une manière assez courante, hein, tous ces petits ces impacts, ces gros impacts. Et peut-être la meilleure façon de s'en convaincre, c'est qu'aujourd'hui, l'orbite des planètes, en particulier de la Terre, est presque circulaire. Et cette circularité, elle résulte de tous ces impacts qui ont eu lieu, qui ont freiné l'orbite et qui l'ont régularisé. Mais néanmoins, le bombardement tardif, le late heavy bombardment, qui a eu lieu 600-700 millions d'années après la formation du système solaire, est contesté. C'est pas quelque chose qui est absolument unanime parmi les planétologues. L'argument étant que ça vient de l'analyse des échantillons lunaires qui montre qu'il s'est passé quelque chose vers 3-9-4 milliards d'années. D'ailleurs, vous regardez bien les dates, c'est pas exactement les mêmes, mais on est à 3-9, donc on est à 500-600 millions d'années après. Mais la critique qui a été faite, c'est de dire mais peut-être qu'on analyse finalement un gros impact sur la Lune avec les échantillons d'Apollo 11, d'Apollo 12, d'Apollo 14, d'Apollo 15, d'Apollo 16. 17. Il faudrait aller chercher les échantillons sur la face cachée pour s'assurer qu'il y a bien que le phénomène est bien universel. Sinon, peut-être qu'on est en train de se tromper et que ce LHB est complètement bidon. C'est-à-dire que c'est juste un gros impact sur la Lune qui a été mesuré par lors de toutes les analyses d'échantillons lunaires. Une autre question. À propos de ce bombardement, est-ce qu'on a des éléments qui permettent de le retrouver soit sur Mars, soit sur Mercure ou sur d'autres corps ou des traces, c'est évidemment pas évident à distance. Et l'autre question, c'était précisément à propos de ce bombardement, c'est lié au passage de Jupiter dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que c'est un bombardement lié à une pluie de débris divers venus de je ne sais où? Et alors, l'autre question que j'avais, c'était à propos de Mars. D'une part, Mars est plus petite, comme on a dit. D'autre part, c'est une des plus excentriques. Est-ce que ça serait éventuellement explicable par le passage de Jupiter qui l'aurait un peu secoué? Et est-ce qu'à la limite, Mars aurait pu être créé par Jupiter, ou est-ce qu'on suppose qu'elle existait déjà au moment du passage de Jupiter? Ça va faire 5 questions. Ah, alors, moi, j'ai pas tout noté. Je vais répondre j'ai déjà oublié. Non, je ne sais pas répondre à l'excentricité de Mars. Je ne sais pas si tu sais répondre, mais je ne suis pas sûr que ça soit lié. On va passer sur celle-là. Oui, on va. Oui. On va donner un joker. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des traces de ce bombardement ailleurs sur... On parle du bombardement tardif, oui, celui de tardif, hein. On parle de pas 600-800, oui, d'accord. Celui millions de 600-800. Je ne pense pas. Mais c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que justement. Je ne pense pas, parce qu'il faut dater les échantillons. Ouais. Alors, et ça, on ne l'a fait que sur la Lune. Disons qu'effectivement, le problème, c'est qu'on pourrait dire qu'il y en a, mais tout est basé sur cette datation des échantillons lunaires. En fait, le gros problème des âges dans le système solaire aujourd'hui est que on a une mesure absolue des âges uniquement à la surface de la Lune. Ensuite, on a des mesures relatives par le principe de la cratérisation, hein, c'est-à-dire du comptage de cratères, c'est-à-dire que... Donc ça, on sait que ça, c'était que avant, ceci, etc. Alors, le principe du comptage de cratères, c'est que vous avez une surface, et puis plus vous allez compter de cratères dessus, plus elle est vieille. Et donc, en fonction du nombre de cratères, de la taille du cratère, ça vous donne tout simplement une information sur l'âge. L'âge de la surface. Voilà. Et ensuite, la grande hypothèse sur laquelle travaillent tous les planétologues, et de prétendre qu'à partir de la datation absolue sur la Lune, de leur connaissance du taux de cratérisation en fonction de la distance du Soleil, on est capable d'extrapoler le nombre de cratères comptés sur la Lune sur des surfaces dont on connaît l'âge à n'importe quelle surface, à n'importe quel endroit du système solaire. Alors, c'est le résultat est que les erreurs sont assez importantes. Quand on parle de n'importe quoi sur Mars, en général, il y a 500 millions de pour les édifices vieux, il y a 500 millions d'années d'erreurs. Pour les un édifice, c'est un cratère. Hein. Voilà, pour quand quelqu'un va vous dire cet endroit est très jeune sur Mars, ça veut dire qu'il y a eu des coulées de lave récentes. Ça veut dire qu'il y a eu des coulées de lave il y a moins de 10 millions d'années. Et on n'a aucune idée si c'était hier, il y a 100 ans, il y a 1000 ans ou il y a 10 millions d'années. Donc il y a une barre d'erreur assez importante. Alors néanmoins, sur Mars, par exemple, on voit des grandes différences entre un passé lointain et puis un passé moins lointain. C'est-à-dire que l'hémisphère sud est très cratérisé, l'hémisphère nord l'est presque pas. Et là, on peut certainement dire que le sud s'est formé avant ce bombardement massif, et puis le nord, l'hémisphère nord, s'est formé après. Mais effectivement, est-ce que le sud a 4 milliards 4, 4 milliards 3, 4 milliards, ça, on le sait pas. Difficile à dire. Oui, un dernier mot, et puis après on va revenir à nos questions de séisme, et puis à notre instrument séisme. Pour répondre, est-ce qu'on voit des traces dans tout ce que vient de dire Philippe? C'est vrai qu'il y a eu deux scientifiques, un japonais qui s'appelait Tanaka, ou américain ou japonais d'ailleurs, je ne sais plus, et l'autre qui est allemand qui s'appelait Neukum. Chacun avait fait le travail de transposer le flux de bombardement lunaire avec l'âge mesuré par les échantillons à Mars. Mais ils avaient chacun obtenu une courbe différente. Il y a eu une bagarre terrible, et les scientifiques ont dit, écoutez, il y en a marre, mettez-vous dans une pièce et mettez-vous d'accord. Parce qu'on avait, pour des âges intermédiaires qui étaient autour de 2,5-3 milliards d'années, on avait plus ou moins 1 milliard d'années d'erreur. C'était monstrueux. Tout simplement c'était parce que quand, la courbe est comme ça, c'est-à-dire fort bombardement au début, puis il y avait ce palier, et puis ensuite ça chute. Et simplement, les deux courbes n'étaient pas les mêmes, et dans cette partie plate, on avait une incertitude absolument énorme. Alors depuis, Tanaka et Neukum se sont mis d'accord, les deux sont des grandes gueules, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis d'accord. Ils ont probablement trouvé un modus vivendi, mais finalement, la barre d'erreur, elle est assez inconnue. Mais tout le monde utilise les mêmes âges. Bon, peut-être que tout le monde se trompe, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on n'a pas autre chose, tant qu'on n'aura pas des échantillons. Et on travaille avec ces âges-là. Mais on ne voit pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un bombardement qui est une décroissance exponentielle du nombre d'impacts au début... Et puis à un moment, hop, vous avez un pic, c'est ça le late heavy bombardment. Il y a un pic de bombardement, oui. Pour l'intégrer sur une surface, alors là c'est très compliqué. D'accord. Une hyperbole c'est facile, mais alors le pic au milieu, on ne sait pas faire. Alors, effectivement, on en est venu à parler, on a commencé sur les sismomètres, on en est venu parler des migrations de Jupiter, maintenant des bombardements météoritiques. On va revenir un petit peu à CIS, mais je crois que Thomas a quelque chose à nous dire au préalable. Merci. Alors, j'ai écrit un petit poème, et il n'est pas terminé, on va essayer de le terminer ensemble. Alors, ça commence en bas de la page, évidemment. La Terre, cette concentrique, a pour voisine une étrange et vague cousine que dans la famille on nomme Mars l'excentrique. Pendant que la Terre tectonise, sur la rouge il fait froid, et pendant que Mars se frise, sur la Terre on aboie. Il suffirait qu'un volcan se réveille pour que jaillisse la vie, ta ta ta ta ta ta rime en i, pourtant nous avons le même soleil. Alors bon, j'ai pas vraiment eu le temps de finir, évidemment. Il me manque cette... Et pourtant, les rimes en i, c'est facile. Et alors, attends, j'ai encore peut-être 30... Bien sûr. Ouais, alors... Vent stellaire. V-E-N-T-S-T-E-L-L. L-L. L-L. A-I-R-E. S-T... Ça me fait penser à ce poème de Hugo, mais je ne le connais pas, Stella... dans je ne sais plus quel livre, je l'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle pas. Stellaire, stellaire, stellaire, c'était l'air qu'elle respirait, c'était l'air qu'elle m'avait envoyé, et heureusement elle avait bonne haleine. Oui, quand elle s'est approchée de moi, cette femme ronde, elle m'a regardé, elle a mis ses yeux ronds dans mes yeux ronds, et stellaire, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, l'air, c'était une réelle boule, c'était une réelle boule de chaleur, elle avait à l'intérieur un noyau. et puis par-dessus, elle avait un manteau, et au-dessus, elle avait une croûte. Ça, c'est pas cool, ça. Assez fine, mais quand même une croûte, et c'était assez étrange, mais je... J'ai fait fi de cette croûte et j'ai enlevé cette croûte avec une râpe à croûte. Et ensuite, j'ai enlevé son manteau et j'ai vu son noyau. Et c'était comme un petit abricot. Enfin, comme le petit noyau d'un petit abricot. Je et vois. Il y avait des petits poils sur les côtés. Et on se regardait noyau dans noyau. C'était l'air de cette chanson qui ne me revient pas, que j'ai oubliée. Mais c'était un air qui faisait... Ah... Les viens dans mon noyau, allez viens dans mon royaume, allez viens dans mon noyau, allez passe ta main sous mon manteau. Et à l'intérieur, c'était comme de la roche vraiment pressurisée, vraiment pressée, hein, à la limite de la liquidité. Hein. Alors il a fallu que je la paye, évidemment, hein, puisque c'était un amour avorté. Et puis j'y suis retourné pendant des années sur un boulevard. Et à la fin, le dernier soir, elle avait disparu. Et à la place de l'abricot, j'ai pris une banane. Thomas! Alors, est-ce qu'on reviendrait à notre CIS avec Philippe Lognonnet et Francis Roca? Vous avez sur vos tables ce document. Voilà, celui-là. Je vous propose d'y revenir. Très pratique. Et c'est le même dessin recto-verso. Donc, vous pouvez le mettre face à vos voisins et ils pourront le regarder également, hein, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on voit là Philippe Lognonnet ou Francis Rocard, d'ailleurs. Mais c'est Insight, là. Voilà, donc d'abord, la première chose sur ce rover, vous avez été habitué... Alors, c'est pas un rover. Ben justement, sur cette mission, c'est que vous avez été habitué à des rovers. Ah oui. Des choses qui roulent, qui ont des roues. Là, ça va rester fixe. Et donc, ça va être une mission un peu désespérante en termes d'images, parce que justement, l'objectif n'est pas d'avoir des images. On va se poser dans un endroit complètement... inintéressant du point de vue géologique. Ah oui. Ce qu'on veut, c'est que ce soit. Ce qu'on veut, c'est que ça soit plat, qu'on n'ait pas de chance de se casser la figure en arrivant. Et donc, en général, pour ça, il faut trouver des endroits très plats et donc que les géologues n'aiment pas. Comment est-ce qu'on se pose ça? Alors, ça pèse combien? La question de dimension alors, de ce. Cet engin. La dimension, ben vous prenez cette table. Voilà, les tables rondes, là. Une table ronde, vous la multipliez par à peu près un peu moins de 2. Vous rajoutez et ça sera à peu près la taille. Donc, la taille de quoi? La taille du centre ou la taille de l'ensemble? La partie centrale. La partie centrale. La partie centrale, vous c'est cette table à peu près grande comme ça. D'accord. Donc deux fois la table, c'est la partie centrale. Donc c'est pas très grand. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, mais c'est un petit atterrisseur. Ça fait un mètre cinquante. À peu près 1,50 m, un peu plus d'un mètre cinquante. Il y avait les deux panneaux solaires là. Et vous avez les deux panneaux solaires donc des deux côtés. Et trois pieds. Hein. Et le principe, c'est que tous les instruments vont être posés. Ouais, juste un mot, ça pèse combien? Alors, c'est une bonne question. D'accord, bon, c'est lourd. C'est une bonne question. On arrive comment? On arrive comment au sol? Alors, à peu près 350 kilos. Oui, je dirais 350. Hein. Ouais. Et donc, on arrive au sol un petit peu comme toutes les missions martiennes. Donc, d'abord, vous arrivez de l'espace. Ouais, avec une vitesse de l'ordre de 5,5 km par seconde. Ça fait quoi? Quelques milliers de kilomètres. Ça fait rapide. Ça fait rapide. Et donc, ça fait rapide et il faut que vous freiniez d'abord dans l'atmosphère. Et donc, au début, vous êtes protégé par un bouclier qui va jouer le rôle de freinage, qui va freiner durant cette dans première phase. Dans l'atmosphère de Mars. Jusqu'à ce que vous passiez... à une vitesse à peu près de Mach 2, donc 500-600 mètres par seconde, parce qu'on est à la vitesse du son sur Mars est de 240. On perd 90%. Voilà, vous perdez 90% de la vitesse grâce au bouclier, mais voilà. On va encore assez vite là. Et à ce moment-là, vous déployez un parachute. Alors c'est important de le déployer, de faire ce déploiement de parachute à une vitesse supersonique, parce que l'air de Mars, la densité de Mars est tellement faible que vous n'avez pas assez de densité pour bien gonfler un parachute subsonique. Et donc, il faut vraiment ouvrir ce parachute en vitesse supersonique pour bénéficier de la pression qu'on appelle dynamique. Francis Rocard fait les gros yeux. Francis Rocard fait les gros yeux. Pas comme ça, mais bon, d'accord. Non, enfin, l'ouverture du parachute, c'est très compliqué. Le problème, c'est que si vous l'ouvrez trop vite, il explose. D'accord. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ce que dit JPL, mais finalement on ne parle que sous couvert du JPL. Si vous voulez, c'est les seuls qui ont réussi à poser des choses pour l'instant. Le JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Donc évidemment. Qui est spécialisé justement dans ces sondes extraplanétaires. Voilà. Alors une fois que le parachute est ouvert, donc vous tombez accroché à votre parachute et cet atterrisseur, quand il va être à une petite centaine de mètres du sol, va détecter le sol avec un petit radar et à ce moment-là va couper la ficelle du parachute et va tomber en chute libre. Il va tomber en chute libre. Et vous allez avoir des petits moteurs donc de freinage, des rétrofusées que vous ne voyez pas qui se trouvent. Si vous en voyez deux ici, mais vous ne voyez pas les moteurs principaux. Alors je vais vous dire comment ils sont. Si vous c'est des petites cuillères. Voilà, des petites cuillères. Des petits entonnoirs vers le bas. Voilà, deux petits entonnoirs. Vous voyez des espèces de petits cubes argentés. En dessous du cube de droite, vous avez deux petites tuillères dorées. C'est ça, deux espèces de petites cloches allongées, si je puis dire. Ça, ce sont des tuyères de moteur, de rétrofusées. Ce n'est pas les rétrofusées principaux, c'est des rétrofusées secondaires qui servent à se diriger. Aligner, à se diriger. Et donc, la sonde va détecter le sol et va faire son dernier 100 mètres de descente. Ce qui est très ses rétrofusées. Avec ses rétrofusées. Alors, ces rétrofusées aussi ont un autre objectif qui est d'aligner la direction des panneaux solaires suivant le maximum de rayonnement possible. Donc, la sonde va en fait s'aligner suivant une direction est-ouest donc avoir comme ça le maximum de puissance solaire. D'accord. On est au sol. On déploie les deux panneaux solaires. Donc ça c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Donc la sonde se pose et dans les quelques dizaines de minutes qui suivent, va déployer ses panneaux solaires. Okay. Ensuite, elle attend. Elle va d'abord envoyer des commandes. On est quand là ? Parce qu'on a décollé en 2016, mais Le 28 septembre. 28 septembre, on arrive. 2016. 2016, d'accord. Hein ? Donc on a décollé au mois de mars, le succès pendant la fenêtre de lancement. Vous noterez d'ailleurs qu'on est dans les trajectoires les plus courtes de 6 mois. Ah oui, ça va très vite, les 6 mois. On ne peut pas faire moins. On ne peut pas faire moins. Mais on peut faire 7, 8, 9 mois. Voilà, alors on a la chance par exemple d'arriver avant la sonde européenne ExoMars qui elle aura été lancée avant. Avant, d'accord. Donc en fait la sonde est lancée avant et puis elle arrive après nous. D'accord. Donc là on est sur une trajectoire très tendue pour une raison assez simple, la fusée en fait qui nous emporte est une fusée un petit peu surdimensionnée. Elle est très puissante. La NASA avait ça sur étagère et donc on a pris celle qui nous allait avec des marges très importantes. C'est la fameuse fusée qui a des moteurs russes qui sont sous embargo des Russes maintenant. Mais il y en a une vingtaine. Donc les Américains ont quelques soucis avec cet Atlas 5. Mais comme on l'a déjà acheté, le JPL l'a déjà acheté. Donc, ils ont les moteurs, ils ont acheté les moteurs. Ils ont quelques moteurs d'avance. Ouais. D'accord. Voilà. Donc la sonde se pose, elle va d'abord informer la Terre que tout s'est bien passé. Hein. Et puis ensuite, on va commencer à avoir cette phase de déploiement de l'instrument que vous ne voyez pas. Donc le sismomètre, en fait, vous ne le voyez pas sur cette image parce qu'il a déjà été recouvert par son bouclier de protection éolien, donc un bouclier de protection du vent. Alors le sismomètre, ça ne sert à rien de le montrer, il faut juste expliquer. Expliquer où il est. Voilà. Donc vous avez une belle cloche à fromage que vous voyez grise. D'accord. Brillante. Et donc, c'est dessous que se trouve le camembert français. Voilà. C'est-à-dire l'instrument 16. Donc, cette cloche à fromage, en fait... Donc, vous avez bien compris, le CIS se trouve sous la cloche grise qu'on voit au premier plan. Voilà. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'on souhaite le protéger du vent, on souhaite le protéger des variations de température. Et pourquoi on souhaite le protéger de tout ça ? Dans la mesure où c'est un instrument qui va être extrêmement sensible. Pour vous donner... un ordre de grandeur, le niveau de sensibilité en termes de vitesse du sol est à peu près d'un milliardième de mètre par seconde. On va détecter en fait des déplacements du sol qui sont d'un 10 milliardième de mètre, donc des choses qui sont extrêmement faibles. Et évidemment, si le vent souffle sur l'instrument, si l'instrument a sa température qui change, eh bien, on va tout simplement voir le déplacement de cet instrument à cause du vent. Donc ça, on ne veut absolument pas que ce soit le cas. Donc on veut s'isoler du vent. Et bien protégé, bien isolé. Bien isolé du vent. Mais alors, attendez, là, le vent, il peut passer en dessous là, de votre cloche. Non, parce que donc, comme l'instrument est fabriqué pas très loin de Hollywood, donc on sait très bien ce qui peut se passer quand on a du vent, je veux dire, sous une jupe. Et donc, ah, elle est pas mal celle-là. et donc en fait, le bouclier a une jupe, mais la jupe est lestée. Lestée. Elle est lestée avec un. Comment dis-je ? Avec un quoi ? En anglais ? Une cotte de maille. Une cotte de maille. Elle est lestée donc avec une cotte de maille, en fer. Hein. Et donc on a une cotte de maille qui l'a fait tomber par terre et qui la plaque au sol. D'accord. Et donc la cotte de maille a été conçue pour que, même pour des vents très très importants de 50 mètres par seconde. Alors 50 mètres par seconde, les Dust Devils là, ce sont les espèces de tourbillons qu'on voit maximum, sur Mars. C'est le maximum admis par tous les articles, sauf un qui a proposé 100 mètres par seconde. Pour le vent sur Mars au niveau du sol. Donc c'est plusieurs quand même centaines de kilomètres heure. 150 kilomètres heure. Hein. Pardon. 150. 150. Ouais. Ouais, donc c'est pas rien là. Hein. 50 mètres, ouais. Donc ouais. On est conçu pour résister à peu près à tous les vents qui peuvent souffler sur Mars. Mais alors attendez, parce que un sismomètre c'est en fait une petite masse. À l'intérieur vous avez une petite masse qui est retenue par un ressort. Voilà, c'est ça. Et puis, on va mesurer les mouvements de cette petite masse avec une capacité électrique. Hein, voilà, c'est ça. Donc, le principe, en fait, d'un sismomètre est assez simple. Hein, ouais. C'est une masse. Une masse, comme ce micro qui fait que vous ne pouvez plus parler. Donc, alors, je vais le faire, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Là, on est plutôt sur un pendule. Hein, donc, oui. Un pendule, mais ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, vous avez une masse qui est attachée à un ressort. Là, en l'occurrence, c'est un fil. Et quand vous bougez le bras, d'accord, vous voyez que la masse se met à bouger. Et donc, le principe est tout simplement de détecter les déplacements de cette masse par rapport au bras avec un dispositif électronique. Et là, en l'occurrence, on va mesurer une propriété des conducteurs qu'on appelle la capacité. Et donc, on va mesurer en fait la capacité électrique entre la partie qui bouge et une partie fixe. Et donc, cette détection de la masse qui bouge, on est capable de le faire, par exemple, pour des déplacements de 1 seconde avec une précision donc de 1 picomètre, c'est-à-dire bon, donc, un millième, un millième de milliardième de mètre. D'accord, c'est rien du tout. Donc, évidemment. C'est quelque chose qui est. Infinitésimal. Voilà, très petit. Infinitésimal. Et évidemment. Alors, attendez, il y a des. Donc, on a ce ressort, cette masse, mais on me dit que Francis Rocard nous explique qu'il va faire entre 0 et moins 100. Donc là, vous allez avoir, évidemment, votre ressort qui va se dilater ou au contraire se contracter selon qu'il fait chaud ou froid. Tout à fait. Alors, ça, c'est le gros problème de ces instruments. C'est des instruments qui sont tous sensibles aussi à la déformation. À leur déformation à cause de la température. Et donc, on a sur cet instrument un système un peu de bilame, comme les bilames des chauffe-eau, qui va déplacer une petite masse qui va s'opposer au déplacement de la grosse masse de l'instrument. Donc, en fait, c'est un instrument qu'on appelle compensé, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de s'opposer à cette déformation thermique de l'instrument par une autre déformation thermique. Et en plus, vous avez cette coque qui est là non seulement pour se protéger du vent, mais quand même des changements de température aussi. Voilà, disons que ce qu'il faut quand même avoir, c'est que c'est un instrument donc, qui se retrouve dans cette grande cloche à fromage qui est à peu près, qui fait 60 cm à peu près de diamètre. Et toutes les protections que l'on a mises en place, les protections thermiques, font que en gros, quand il fera midi dehors, si vous voulez, l'instrument sera encore au petit matin pour les variations de température. Température, d'accord. Un petit peu comme dans une cave. Vous savez, quand vous allez dans une cave, vous avez un retard pour les variations de température. Et là, le retard des variations de température est de plus de 6 heures. Donc, c'est quand même une protection thermique très efficace. Très efficace. Évidemment, sur Terre, quand on veut faire de la sismologie très sensible, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans une cave sismique, donc dans une cave, et c'est là qu'on déploie ces instruments. Là, on ne peut pas. Donc, on a amené une sorte de cave portable qui est ce que vous voyez en gris. Un petit mot de Francis Rocard. Francis, vous m'avez dit que c'était un défi technologique, ce sismomètre VBB. En quoi est-ce que c'est un défi technologique ? Alors, c'est un défi technologique parce que c'est un instrument qui est unique au monde, qui a la sensibilité dont a parlé Philippe, qui est tout à fait extraordinaire, qui est en plus très large bande, donc qui est sensible à des gammes de fréquences 1 Hz, c'est-à-dire une vibration par seconde, jusqu'à des fréquences très très basses, on en parlera tout à l'heure, de l'intérêt des fréquences très très basses. Et en plus, doit résister aux conditions de lancement. Pour ne rien vous cacher, la mise au point de ces pendules est un peu un cauchemar. Ah oui. Et aujourd'hui, l'état de l'art, c'est-à-dire que c'est Sodern qui fabrique les pendules, eh bien, à chaque fois, là, on en est à VBB 6, 7, à chaque fois, toutes les semaines, on nous dit, le VBB 6, il marche, ou ah, il a un problème. Donc, on n'est pas à 100% sûr qu'on va y arriver, mais il faut Philippe Lognonnet se frotte les mains, non pas de plaisir, mais avec un petit peu de nervosité. Donc voilà, on est dans une phase extrêmement tendue, puisque mi-juillet, il faut qu'on ait tous les pendules qui fonctionnent, et fin de l'année, il faut qu'on livre ce qui est cette boîte-là. Ça, c'est l'autre image. Cette boîte, ça, c'est ce que livre le CNES. C'est ce qui est à l'intérieur, qui sera sous la cloche. Vous pouvez prendre l'autre image, vous voyez deux ingénieurs qui sont en train de regarder. Voilà, donc les pendules travailler. Sont à l'intérieur, vous ne les voyez pas. La sphère, elle est pompée sous vide parce que ces pendules vibrent beaucoup mieux sous vide. Or, vous savez qu'il y a quand même de la pression sur Mars. Et en plus, il y a tout un système de nivellement pour que. Parce que Philippe ne dit pas les choses, mais il y a trois pendules dans la sphère. Ah, il y a trois pendules. Il n'a pas dit depuis le début. Parce que c'est fondamental. C'est trois axes. Si vous voulez détecter les mouvements verticaux, il faut un pendule. Les mouvements horizontaux, il en faut un et un deuxième axe horizontal. En l'occurrence, on les met tous les trois à 120 degrés et on couvre les trois dimensions. Donc là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette sphère. C'est très, très plein, notamment ces trois axes, ces trois pendules. Et alors, il se trouve que nous avons des collègues britanniques qui font fournir des sismomètres beaucoup plus simples, beaucoup moins sensibles, mais qui vont être un peu scotchés sur la sphère, hein, pour simplifier, ce qu'on appelle des courtes périodes. Alors, les courtes périodes, c'est la petite boîte dorée que vous voyez à gauche de la grosse sphère. Donc vous prenez l'image avec les deux ingénieurs, là. Alors, ça ne sert à rien de montrer parce que personne ne voit. Mais alors, de quoi s'agit-il ? C'est la boîte que vous avez ici. Oh, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, donc en fait, les deux capteurs, donc le capteur français très large bande, couvre en fait les périodes depuis quelques centaines de secondes jusqu'à quelques fractions de secondes. Et le capteur anglais va couvrir des périodes depuis une dizaine de secondes jusqu'à quelques... à peu près un centième de seconde. J'aimerais bien qu'on explique ce qu'on va capter. Donc, il y a trois choses. Il y a d'une part, on va mesurer l'activité sismique de Mars. On va aussi avoir des renseignements grâce à cela grâce plutôt au moment où les astéroïdes entrent en collision avec la planète, parce qu'on va pouvoir mesurer ça. Et on va aussi mesurer les effets de marée. Est-ce qu'on peut dire juste un petit mot de chacun des trois? Alors, Francis Rocard ou Philippe Lognonnet, vous pouvez partager les choses. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on va essayer de détecter? Donc d'abord, à la base, on va détecter les tremblements du sol, et les tremblements de sol, il faut qu'ils soient faits par quelque chose. Donc vous avez cité trois types de sources, qu'on appelle des sources sismiques, donc soit on va avoir des séismes, soit des impacts de météorites, et enfin la marée. Les séismes, ils vont vous renseigner sur quoi? Sur l'intérieur? Alors, sur les trois vont nous renseigner sur l'intérieur. D'accord. Hein, donc, pour être franc, si on avait réussi à convaincre je ne sais qui de faire un essai nucléaire sur Mars, on aurait été très content. Mais bon, donc ce n'est pas le cas. Parce qu'on a eu des belles vibrations, là. Oui. On va le faire sur un astéroïde, hein, on va mettre un explosif. Oui, mais bon, peut-être pas explosif, mais du moins nucléaire, mais sur des astéroïdes, on peut le faire. Dans les années 70, sur la Lune, on a envoyé le dernier étage d'une sonde rentrer en collision avec la planète. Et donc ça aussi, ça avait été des sources sismiques très efficaces sur la Lune. Pour en savoir plus, voir comment ça résonne donc, finalement. Tout à fait. Ouais. Alors donc l'objectif est, une fois que vous avez cette source sismique, il faut savoir où elle se trouve. Et donc ça, c'est un des gros problèmes de cette mission, c'est que où est-ce que ça a vibré? Et comme on n'a qu'un seul instrument, l'idée qu'on va développer, c'est que si vous avez un séisme à cet endroit-là, comme Mars est une planète sphérique, les ondes, hein, qu'on appelle les ondes de surface, qui sont des vagues qui se propagent à la surface, peuvent choisir soit de partir d'ici et d'aller vers vous, suivant cette direction, mais elles peuvent aussi choisir de partir dans l'opposé, de faire le tour de la planète jusqu'à vous atteindre. Et d'arriver, je veux dire, à l'instrument par le grand chemin. Donc soit le chemin des écoliers, soit le chemin un peu plus... Alors je ne sais pas, le chemin des écoliers, lequel est le plus court. Ouais. Bien, qu'importe. Vous avez deux chemins, et comme vous avez deux chemins, et surtout que votre onde qui a fait déjà un petit parcours, rien ne lui interdit de s'arrêter, elle a le droit de continuer. Hein. Donc elle va continuer son parcours et elle peut faire aussi un tour en plus de la planète. Et ça, c'est la clé en fait de cette expérience, c'est-à-dire que on va pouvoir mesurer une onde qui est arrivée à un moment, qui fait un tour complet et qui revient. Et donc en calculant la différence de temps entre la première et la deuxième, sachant qu'on connaît la circonférence de la planète, on pourra calculer sa vitesse. Et à partir de ce moment-là, on est capable de trouver l'endroit où se trouve le séisme, parce que, comme le disait Francis, on a trois axes, et qu'avec nos trois axes, on connaît en plus la direction d'arrivée de l'onde. Donc ça, c'est le point assez important, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu tout cet effort sur l'installation de l'instrument pour qu'il soit... non pas le plus sensible possible, parce que ça, c'est un petit peu indépendant de la façon dont on l'installe, mais surtout qu'il soit le moins bruité possible, de telle façon qu'on puisse réellement mesurer ces ondes-là. À partir de ce moment-là, on pourra utiliser ces séismes, hein, donc on va détecter, pour essayer d'avoir de l'information sur la structure interne de la planète. C'est quand même ça l'idée. Ouais. Voilà, l'idée, c'est de voir la vitesse à laquelle ces ondes se propagent. Si, par exemple, elle se propage plutôt vite, ça va vous indiquer que la planète est plutôt froide. Si elle se propage plutôt doucement, ça va vous indiquer que la planète est plutôt chaude. Bref, on va avoir plein d'informations comme ça. Francis Rocard, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais le dire différemment. Parce que c'est pas très simple, l'explication de Philippe. Ça fait 20 ans que j'essaie de comprendre la sismologie. Mais en gros, moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est que c'est pas tant la source qui l'intéresse. La source, elle est intéressante. Mais surtout pour déterminer sa localisation. Et dès qu'il l'a déterminé, ce qui l'intéresse, c'est les cheminements des ondes. Parce que dans son modèle croûte, manteau, noyau, les cheminements des ondes, à partir du moment où il a le temps d'arriver, il fait varier l'épaisseur de la croûte, il fait varier l'épaisseur du noyau, et il fait fitter tout ça pour que les ondes arrivent au bon moment. Et finalement, il en détermine, il arrive, via voilà. ce beau modèle, l'épaisseur ouais. de la croûte et l'épaisseur voilà, du noyau. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est... Finalement, c'est d'accord. ça le petit jeu d'accord, des d'accord, d'accord. Donc, alors... Donc, disons que vous, donc Francis a raison, c'est-à-dire que c'est intéressant qu'il y ait des séismes, mais on n'est pas dans une logique où on va dire, oh là là, mon Dieu, il va y avoir un séisme magnitude 5, magnitude 4, etc. Et les risques pour la population sont ceci ou cela. Même s'il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes sur, justement, la façon dont les failles vont jouer sur Mars. Ça, c'est pour les séismes. Les impacts, c'est très différent. Les impacts de météorites, hein, on va les détecter assez naturellement. On est capable aujourd'hui de reconnaître très facilement un séisme d'un impact. rien que par l'enregistrement des signaux. Et l'impact de l'astéroïde, enfin du météorite, va vous intéresser également pour en savoir plus sur l'intérieur, voilà, de la structure interne de la planète. Hein. De nouveau, c'est une source sismique. Mais c'est des petites sources sismiques. D'accord. C'est-à-dire que, alors, il faut relativiser, mais c'est des sources qui sont très énergétiques pour, on va dire, pour l'ordre de grandeur des humains. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un impact qui va vous faire un cratère de, admettons, 30 mètres. C'est à peu près 500 tonnes de TNT. D'accord. Donc, c'est quand même une belle explosion. Et il faut préciser que l'atmosphère de Mars est tellement plus fine que l'atmosphère de la Terre qu'il y a beaucoup plus d'impact sur Mars que sur Terre. Ah oui, bien sûr. Il ne faut pas comparer avec la Terre. Des impacts sur Mars, on en voit tous les jours, d'accord, si je puis dire. Alors, sur Terre, les impacts de 500 tonnes de TNT, il y en a en permanence, sauf que c'est des impacts qui ont lieu dans la très haute atmosphère. Chelyabinsk, dont vous avez tous entendu parler, je veux dire, l'année dernière, c'était 500 kilotonnes. D'accord. Ah oui, c'était impressionnant. Donc c'était 1000 fois plus, en fait. Et si on parle de kilotonnes, je vous rappelle malheureusement que Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Ah oui, d'accord. Donc Chelyabinsk, c'était 25 fois Hiroshima, mais c'était à 25 km d'altitude. D'accord. Donc sur Mars, toutes ces météorites vont arriver au sol. Donc on peut les détecter avec un instrument. On a la distance approximative, mais surtout on a la direction. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va demander à un des orbiteurs américains, peut-être un orbiteur. Un orbiteur, c'est un satellite, qui tourne autour de Mars. De prendre en photo la zone où, a priori, l'impact a eu lieu. Et on comparera la photo avec les photos qu'on est en train de prendre tout de suite, pour cataloguer un petit peu toute la zone où la mission va se poser. Encore une fois, donc, votre question, c'est où, voilà, d'où est la source. Exactement. De la, et donc, vous imaginez, vous aurez un endroit sur Mars où, à ce moment-là, un nouveau cratère est apparu et on saura que l'endroit de cet impact, c'est cet endroit-là. D'accord. Et donc, on connaît la distance et à partir de ce moment-là, on peut jouer avec les temps d'arrivée des ondes et déterminer effectivement pas la structure profonde, mais une structure plus superficielle, c'est-à-dire la structure, d'accord, de la croûte de la planète. Alors, Francis, sachant qu'en plus, alors là, Philippe va peut-être me contredire, mais vous avez le choc du caillou avec le sol, qui fait vibrer le sol, mais vous avez l'onde de choc de l'arrivée qui provoque une vibration qui peut se transmettre éventuellement jusqu'au sismo. Alors, et d'ailleurs, c'est souvent ça qui provoque les avalanches sur Mars. Les avalanches, ce n'est pas tellement la vibration du sol qui provoque... Les avalanches de quoi elles ressemblent? Les avalanches de poussière ou de glace au niveau des pôles. On voit des avalanches au niveau des pôles, c'est magnifique. On voit une espèce de grosse fumée, c'est au moment où l'avalanche se passe. Et on a pu corréler que ces avalanches sont liées parfois à des impacts. Mais on ne pense pas que c'est le sol qui vibre, c'est l'onde de choc qui a déclenché l'avalanche. D'accord. Voilà, effectivement, donc quand vous allez avoir cette météorite qui va arriver à 10 km par seconde, la vitesse du son est de 240 mètres par seconde, donc on est à Mach 40, hein, donc c'est un avion très supersonique. Je me rappelle, hein, le Concorde, c'était Mach 2, donc on est 20 fois plus vite que Concorde. Donc il y a une onde de choc qui entoure le météore et qui va générer ces avalanches ou des glissements de terrain. Malheureusement, sur Mars, le problème de Mars, c'est que l'atmosphère est du CO2, donc du gaz carbonique, et le gaz carbonique a cette propriété un petit peu désagréable de dissiper très facilement son énergie sous forme de chaleur. Et d'ailleurs, on le sait, hein, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ses propriétés de réchauffement de l'atmosphère terrestre. Et, le CO2, ouais. Et du coup, en fait, cette onde acoustique ne va pas se propager sur de très grandes distances. Donc, elle a des effets ravageurs au voisinage de l'impact, mais elle ne va pas se propager sur plusieurs centaines de kilomètres comme sur Terre. Alors, on va prendre quelques questions, monsieur. Je voulais revenir sur les séismes potentiels sur Mars. La question que je me pose, c'est que néanmoins, on a dit que géologiquement, Mars était refroidi très vite et que Il y avait apparemment plus de volcanisme et plus de tectonique des plaques, a priori. Or, si je crois bien comprendre, les séismes terrestres, les mouvements terrestres sont liés justement au mouvement tectonique des plaques. Il faut les mouvements, l'énergie accumulée. Quelle est la probabilité, de fait, d'avoir des séismes sur Mars ? Alors, la probabilité exacte, à vrai dire, on ne la connaît pas. Hein. Mais on a des modèles, et ces modèles sont basés sur l'idée qui est assez simple. C'est-à-dire que Mars continue aujourd'hui à se refroidir, de la même façon que la Lune se refroidit aussi. Hein. Donc, toutes ces planètes se refroidissent. On parlait tout à l'heure du fer à l'état liquide. Hein. Donc, si le fer est à l'état liquide au centre, ça veut dire que c'est très chaud. Donc, les planètes ne sont pas froides, elles continuent à se refroidir. Et quand vous avez une planète qui se refroidit, elle va se contracter, tout simplement parce que c'est le propre de la quasi-totalité des matériaux, de se contracter lorsqu'ils se refroidissent. Et cette contraction, de temps en temps, va générer des fractures. Et c'est ces fractures-là qui génèrent cette sismicité. Donc évidemment, c'est une sismicité que sur Terre, par exemple, vous retrouvez dans les plaques océaniques. Quand vous avez une plaque océanique qui se refroidit, vous avez aussi ce qu'on appelle de la sismicité intraplaque, qui est liée au refroidissement de la plaque. Alors, c'est une faible sismicité. On pense, avec les modèles qu'on a, qu'on aurait quelque chose comme peut-être un séisme de magnitude 5,5 à 6 par an, une bonne dizaine de séismes de magnitude 4,5, disons 20 ou peut-être 20-30 séismes de magnitude 4,5, et une petite centaine de magnitude 3,5. Donc comparé à la sismicité terrestre, c'est absolument rien. Hein, je vous rappelle qu'entre un magnitude 8, on ne va pas prendre le séisme de Tohoku qui était un magnitude 9, mais entre un magnitude 8 et un magnitude 5... C'est un gros tremblement de terre. Un gros tremblement de terre, mais sur Terre, vous avez un magnitude 8 presque par an. Quoi. Vous avez une dizaine de magnitude 7. La différence entre un magnitude 8 et un magnitude 5, c'est un facteur 1000 dans l'amplitude des ondes. Donc, on va chercher des ondes qui sont 1000 fois plus faibles que les ondes sur Terre. Mais néanmoins, ce type de sismicité, on l'a vu sur la Lune. Il y a eu des sismomètres qui ont été déployés par les missions Apollo sur la Lune. Et on a détecté comme ça une petite trentaine de séismes sur la Lune qui étaient liés à ce refroidissement de la Lune. On a détecté 1800 impacts de météorites. Et on a détecté beaucoup plus de petits séismes qui étaient liés à la Terre, qu'on ne va pas évidemment retrouver sur Mars. Et donc vous avez fait une description là, du nombre de séismes qu'on allait avoir sur Mars. Vous avez dit que c'était très faible. Et vous m'avez comparé ça à la sismicité de l'Italie, c'est ça ? Oui, alors, grosso modo, sur Mars, en termes de nombre non, de séismes, que l'Italie, oui, beaucoup moins que l'Italie. Beaucoup moins que l'Italie. L'Italie, Mars. Non, mais vous prenez une petite région. La France est un peu, si vous voulez, la France est, je pense, un peu moins active que Mars en totalité. Mais disons qu'on est sur un très très faible... Très très faible. Très très faible sismicité. Hein. Et je dirais que c'est pour cela que Philippe a voulu faire du très large bande, parce qu'il n'est finalement pas sûr de détecter les séismes, mais par contre, il a l'espoir de détecter les effets de marée. Voilà, alors donc on arrive à la dernière source. C'est la troisième source de vibration, effets de marée. Donc la troisième source que j'avais oubliée, effectivement, merci Francis, donc c'est la marée, en fait... Donc, ce qu'on appelle la marée solide, c'est-à-dire le fait que Mars se déforme, comme la Terre se déforme à cause de l'attraction de la Lune et à cause de l'attraction du Soleil, donc c'est la marée. La marée, en fait, que l'on connaît tous sous forme de marée océanique, c'est-à-dire c'est la déformation des océans, mais il se trouve que la partie solide de la Terre se déforme aussi. Se déforme évidemment beaucoup moins que la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, on n'est pas à une dizaine de mètres. Mais si vous comparez cela à la marée dans le Pacifique, on retrouve à peu près le même ordre de grandeur, c'est-à-dire c'est une marée de l'ordre d'un demi-mètre à peu près sur Terre. Parce que Mars a une lune qui est relativement proche. Mars a le Soleil, déjà, donc comme la Terre va voir la marée du Soleil. Mais Mars a aussi deux petites lunes, Phobos et Deimos. Alors, bizarrement, on va essayer de détecter la marée de Phobos, qui est une toute petite lune, qui fait moins d'une dizaine de kilomètres à On la détecte rayon. Parce qu'encore une fois, notre masse, hein, au bout voilà, de notre pendule, elle va être attirée. Hein, Alors la masse va être attirée, mais ouais. ça, cette attraction, ça nous embête un petit peu. En fait, ce qu'on va surtout voir, c'est la différence d'attraction entre notre masse et puis la déformation de la planète. Mars va se déformer d'à peu près 1 mm. La planète Mars, c'est-à-dire que mon sol, là où je suis posé, moi, sismomètre, ça va monter ou descendre d'un millimètre par rapport au centre. D'un millimètre toutes les 5 heures, à peu près. Ah oui, d'accord. D'accord. Et ça, c'est important à savoir pour... Alors, c'est quelque chose dont on connaît la période, c'est la période de la marée. On aura un almanach du marin Breton à notre disposition, fait par l'IMCCE. D'ailleurs, donc le bureau des longitudes, l'ex-bureau des longitudes, et alors je ne sais pas s'ils font l'almanach du marin breton aussi, mais ça sera une exportation. Et la grande question, donc on va essayer de déterminer cette amplitude-là. Alors pourquoi on essaie de faire ça ? Tout simplement parce qu'on a cette incertitude sur les gros séismes. Est-ce qu'il y aura vraiment des magnitudes 6, des magnitudes 5 ? Et il nous faut des séismes, disons, de magnitude 5 pour pouvoir voir le noyau. Pour pouvoir avoir des ondes qui vont aller jusqu'au bas du noyau, jusqu'au bas du manteau, se réfléchir au niveau du manteau, du noyau, et remonter vers la surface. D'accord. Et ce qu'on sait, c'est qu'il nous faut des ondes générées par un séisme de magnitude 5. On a cette petite incertitude de savoir si vraiment on aura des magnitudes 5. Et donc, on a essayé de mettre en œuvre cette solution de secours sur la marée, où là, il faudra utiliser le signal pendant une petite année. Donc, on peut utiliser l'effet de marée pour en savoir plus sur le noyau. Oui, alors... Ah oui, d'accord. On va pas forcément entrer dans le détail, hein, parce qu'on va prendre d'autres questions. Oui. Mais effectivement, hein, si on prend ce signal sur une année, on va finir par en par savoir mesurer. Plus sur le noyau. Très bien. Cher monsieur, une question. Oui, puisqu'on se demandait comment calibrer, disons, les appareils ou s'assurer de leur bon fonctionnement, est-ce qu'il a été prévu ou envisagé, je ne sais quelle catapulte ou engin permettant de générer, au départ, une fois que le système est installé, des petits événements, chocs, pour s'assurer du bon fonctionnement ? Non, ça on fait pas, mais par contre, vous posez une bonne question, c'est que la gravité n'est pas la même sur Mars et la Terre. Et donc, le sismo, on le teste à la gravité terrestre, et ensuite, on lui enlève une masse, on lui rajoute une masse, je ne sais plus. Voilà, alors. Et on suppose qu'il va marcher sur Mars. Mais on n'est pas capable de le mesurer parce qu'on ne sait pas faire une gravité martienne sur Terre. Donc, voilà, il y a. Alors, il y a tout. Bon, il y a. Donc, il y a deux éléments dans votre question. Le premier, non, on n'a pas de source active à calibrer. Et contrairement au cas lunaire où on avait demandé aux astronautes, après avoir installé les sismomètres, de faire des astroquakes, c'est-à-dire de sauter à côté pour faire des petits tremblements de terre, on n'aura pas ça auprès de nous. La deuxième partie, effectivement, c'est que c'est compliqué de faire un instrument très sensible sur une planète dont la gravité n'est pas la même que celle où vous l'avez développée. Et... c'est très compliqué, déjà pour une raison assez simple, c'est que sur la Lune, un des instruments n'avait pas fonctionné pour des problèmes justement liés à ce changement de gravité. Donc c'est quelque chose qu'on suit très attentivement. Et donc on a tout un processus de test, hein, où on va d'abord tester l'instrument avec une masse un petit peu différente de la masse, martienne. Hein, l'idée, c'est que en gros, on va tarer notre instrument comme sur une balance pour qu'il puisse fonctionner sur Terre. Ensuite, on va enlever la tare et on va le faire fonctionner sur un plan incliné où on aura la gravité martienne, hein, suivant une direction, mais évidemment une gravité parasite suivant une autre direction. Et ensuite, avec tous ces tests, hein, on espère qu'on fonctionnera sur Mars. Mais le résultat sera effectivement... très attendu en septembre 2016, parce que ça sera au moment où on mettra l'instrument en route. On verra si on ne s'est pas trompé. Évidemment, on pense qu'on ne s'est pas trompé, mais on aura une certaine appréhension. Oui, oh là là, il faut venir, il faut pas attendre le micro, parce que là, on ne va pas y arriver. Juste savoir, l'amplitude de marée du Soleil ici. C'est un centimètre. Un centimètre. C'est à peu près 10 fois plus grand. Voilà, donc, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la marée du Soleil qui est 10 fois plus grande? Et en fait, le gros problème, c'est que la marée du Soleil voit également la variation de température du jour. Et donc, les deux s'ajoutent. Et donc, se rajoute à ce petit signal un signal énorme de déformation de l'instrument à cause de ces variations de température. Donc c'est pour ça qu'on a pris la marée de cette petite lune, parce qu'elle n'est pas du tout liée à une variation de température. Je voudrais juste dire deux mots sur que CEIS n'est pas le seul instrument d'InSight. Il y a également une expérience allemande qui s'appelle HP-Cube, qui va mesurer le flux de chaleur. Alors mesurer le flux de chaleur, c'est quelque chose qui paraît simple. Vous mettez un thermomètre dans le sol et voilà, vous mesurez à quelle vitesse la Terre se refroidit ou Mars se refroidit. En fait, c'est assez compliqué. Et pourquoi ? Parce qu'il faut cet effet de cave, il faut être suffisamment profond pour n'être pas perturbé par le cycle diurne. Et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est même contesté parfois sur Terre. Et on aura la vitesse de refroidissement de Mars avec cette sonde qui devrait envoyer son thermomètre à 2 mètres. Ou 5 mètres de profondeur. Ce qui est très très audacieux. Donc on espère qu'on va y arriver, mais c'est pas gagné quand même. Et dernier instrument, qui n'en est pas un tout en étant un quand même, c'est que finalement un récepteur radio, mais extrêmement précis, qui va faire des mesures Doppler sur le signal que l'orbiteur relais, que ce soit MRO, Mars Express ou Mars Odyssey. Ils sont en orbite, ouais. Ils sont en orbite. C'est eux qui communiquent avec InSight. Et donc, en analysant très précisément la variation de fréquence du signal, l'effet Doppler, on mesure très précisément le mouvement fin de Mars. Et en ayant ce mouvement fin, en plus, la sonde, l'avantage, c'est qu'elle est fixe, à l'inverse d'un rover qui bouge, eh bien, vous allez pouvoir décorréler, par exemple, le cycle de condensation-sublimation de la glace au pôle, qui fait une variation du moment d'inertie de Mars, et donc qui est mesurable avec ces mesures extrêmement fines. Donc il faut rappeler quand même, condensation, sublimation, il faut dire juste un petit mot, c'est qu'effectivement on a selon les saisons de la glace de CO2, hein, mais aussi d'eau, crée au qui pôle, se condense l'hiver, ou qui au contraire et qui ensuite va aller se revient sous forme gazeuse, pôle. Voilà, qui va à l'autre pôle. Cette condensation change la manière dont tourne le moment d'inertie la planète Mars. Le moment d'inertie. Et, oui. Et c'est des manips qui sont extrêmement, si elles sont bien réussies, c'est très riche d'informations. Et voilà. Ça donne aussi une information sur la structure interne de Mars. Donc on a beaucoup d'informations. En fait, c'est l'ensemble de la géophysique qui sera présente. Donc la sismologie avec CEIS, la géodésie avec cette expérience de poursuite radio, dont l'objectif est de mesurer la rotation de la planète avec une très grande précision. Le flux de chaleur, donc qui va aller, on espère, jusqu'à 5 mètres. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que il lui était interdit d'aller plus profondément que 5 mètres parce qu'il y a une règle des Nations Unies qui protège Mars à partir de 5 mètres de profondeur de toute invasion terrestre, à moins que les instruments soient complètement stériles. Et donc ça multiplie les coûts des instruments d'une manière exorbitante. Et donc le câble qui attache cette sonde de température à la surface et mesure exactement 5 mètres pour que ça s'arrête à 5 mètres. Pour respecter des raisons juridiques, hein, c'est pas un droit qui a été imposé, c'est un droit qui a été inventé justement pour protéger Mars. Parce qu'on pense que s'il y a éventuellement de la vie, elle serait en profondeur. Serait et donc en on ne veut pas la contaminer avec d'éventuelles voilà. bactéries Bien. Terrestres. Et donc à cela se rajouteront un magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique, un capteur de pression, un capteur de vent, et puis des capteurs de température, évidemment des caméras. Donc de la belle géophysique. Oh, oh, oh. Oh. Sometimes I feel like a motherless seismomètre. Sometimes I feel like a motherless seismomètre. Si être môme, c'est au maître de vibrer. Et si arrêter de vibrer, c'est devenir grand. Alors, ils sont restés petits, ils sont restés enfants. Mais leurs rêves ont grandi. Sometimes I feel like a motherless seismomètre. Si devenir sismologue, c'est ne pas omettre de vibrer. Et si on vibre encore, alors vibrons. Et si on vibre encore, alors vibrons. Sometimes I feel like a modeless seismomètre. Un seismomètre orphelin. On a des grands enfants là qui sont avec nous ce soir. D'autres interventions avant qu'on se quitte dans quelques instants, parce que moi j'avais peut-être une dernière question. Comment est-ce qu'on fait, Philippe Lognonnet, Francis Rocard, vous qui êtes un observateur de la chose, qui avez suivi ça de très près, comment est-ce qu'on fait pour dire aux Américains, sur cette mission qui vaut 450 millions de dollars, hey, mon sismomètre, c'est celui qu'il faut. Et il faut pas, c'est pas n'importe quel sismomètre. CEIS, c'est l'instrument principal d'Insight. C'est-à-dire, si CEIS marche pas, Insight ne part pas. Exact. Oui, en fait, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est simplement que les Américains ont tout compris. Et ils ont compris que ce sismomètre, d'une part, ils allaient pas le payer, donc ils font des économies. Ils allaient pas le payer. Bah oui, puisque c'est la France qui paye. Voilà. C'est le CNES. C'est le principe de la coopération sans échange de fonds. En science, ce que vous faites, vous le payez. Il n'y a pas d'argent qui traverse les frontières. C'est très pratique. Quand on discute, on ne parle jamais d'argent. Ah non, ça permet de s'entendre. C'est extraordinaire. On fait du business sans le savoir. Moi, quand je discute avec le CNES, on parle souvent d'argent. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est interne. Mais quand on parle avec des Américains, des Allemands, n'importe qui, des Japonais, on ne parle jamais d'argent. C'est est-ce que vous êtes prêt à mettre votre sismo ? Si c'est oui, c'est sous-entendu, vous le payez avec votre argent. Et les Américains sont allés voir Philippe, c'est Bruce Bannert qui est le responsable scientifique de l'instrument, qui est au Jet Propulsion Laboratory, qui connaît Philippe depuis 20 ans. Et alors un coup c'était... Ça fait 20 ans que c'était... Philippe Lognonnet frappe à sa porte. Oui, non, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'un coup c'était Philippe qui a invité Bruce pour une mission européenne, et là c'est Bruce qui invite Philippe sur une mission américaine. Donc c'était un juste retour, je vous dis, il y a eu 9 tentatives. Donc voilà, on est à peu près sur la 9e, qui a l'air d'être un succès, celle-là. Et donc ce sismomètre, les Américains n'ont jamais essayé de nous rattraper. Pourquoi ? Parce que nous rattraper, ça veut dire qu'on a les meilleurs sismomètres ? Non, parce que c'est un développement technologique, c'est la R&T du CNES depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs la plus longue de l'histoire de la R&T en planétologie. On n'a jamais fait une R&T aussi longue. Philippe, R&T, c'est recherche et technologie. Ouais. Et voilà, c'est historique. C'est comme ça que ce sismomètre s'est développé. Année après année, décennie après décennie, et les Américains ne se sont pas lancés dans une opération de si longue haleine. Ils auraient pu le faire, mais ils auraient peut-être mis beaucoup moins de temps, mais beaucoup plus d'argent. C'est souvent comme ça que les Américains travaillent. Et finalement, on avait une telle avance, il y avait un très très bon contact scientifique entre Bruce et Philippe, et voilà, et Bruce naturellement est allé voir Philippe en disant je propose une mission, on prend ton sismo, et on va prendre le flux de chaleur allemand et les mesures de géodésie belges. Il se trouve qu'elles sont belges. Non, elles ne sont pas belges. Mais il y a une belge dedans. D'accord. Disons que, oui, je pense qu'en France, en fait, les laboratoires, avec l'aide du CNES, aussi avec l'aide du CNRS, ont les moyens de développer des niches, on va dire, alors souvent, on parle de niches technologiques, il y a un peu de ça. Mais bon, il y a quelques idées importantes. D'abord, la première idée, c'est que si on croit qu'un projet scientifique est important, un jour ou l'autre, je veux dire, s'il est important, il va il va apparaître sur la scène. Et puis, vous saviez que ça allait arriver, qu'un jour on allait poser un sismomètre sur Mars ou ailleurs. Il y a eu des périodes où on a pu douter, mais disons que il y a eu des doutes évidemment. Mais maintenant, c'est pas donc ce succès de sélection. D'abord, il y a plusieurs paramètres. La première chose, c'est que l'importance de ce projet a été mise en avant tout à la fois par des groupes d'experts américains, des groupes d'experts européens et français, indépendants de nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait 30 projets sur... Ça, c'est avant. Si vous voulez, le fait que si on veut comprendre Mars, il faut faire cela, oui. Ça a été dit par plusieurs sociétés savantes. Et ça, c'était un consensus. Ensuite, il y a, un problème de compétition. Il y a un but, là. Donc, on était sur... Compétition, vous voulez dire Coupe du Monde ? Non, je n'ai pas compris. Peu près ça. Donc, il y avait cet appel d'offres américain. Il y avait 30 projets qui étaient en compétition. Nous, on était dans 3 des projets. Et sur les 3 projets, on était à chaque fois comme fournisseur de sismomètres. Donc, en gros, tous les projets qui avaient un sismomètre nous avaient contactés pour fournir cet instrument. On avait un projet vers la Lune, un projet vers des astéroïdes et puis un dernier projet vers Mars. Donc la NASA en a sélectionné 3, Dieu merci par les 3, sur lesquels on était, un seul, c'est déjà beaucoup. Oui, on est bien d'accord, sur cette mission-là qui va partir, il y avait un appel à projet. Il y avait 30 projets se sont présentés. Vous étiez, votre sismomètre était présent dans 3 de ces projets. Au final, ils en ont gardé 3 des projets. Ils en ont gardé 3. Il y avait InSight parmi les 3, c'était les 3 finalistes. Et donc, les 3 finalistes ont une année pour rendre une copie, on va dire, assez sérieuse, 800 pages. Donc, pour les bacheliers du moment, vous voyez, c'était assez, studieux. On a eu un très fort soutien du CNES pendant cette année de dernière compétition. Et la NASA, à la fin, a choisi InSight comme la mission, gagnante. Avec cet objectif. Vous vous y attendiez, c'est comment est-ce que vous l'avez appris, le moment où vous étiez pris ? Parce que alors moi, 25 années d'efforts. Personnellement, avant de répondre, les deux autres concurrents, c'était Comet Hopper. Ça consistait à faire des bonds sur un noyau cométaire. C'était donc très audacieux. On va sur une comète et on fait des bonds. On fait des sauts. C'est-à-dire qu'on se pose, on fait des analyses, on saute, et on refait des analyses, on saute. C'est un filaé sur ressort. Sur ressort. D'accord. Mais tellement audacieux qu'il n'a pas été sélectionné. Et le troisième, c'était Time. Qui était encore plus audacieux. Qui visait, alors attendez, accrochez-vous bien, qui visait un lac sur Titan. Un lac c'était sur un Titan. Radeau. Un Titan, c'est un radeau, lune de Saturne. Lune de Saturne, 1,5 milliard de kilomètres, il faut bien viser. Et vous allez faire une rentrée directe dans le lac. On plonge dans le lac. Vous êtes un radeau, c'est-à-dire vous n'avez pas de moteur, vous flottez, et là vous avez, vous faites des analyses du liquide qui est de l'éthane et du méthane. Donc très froid, tout qui gèle, etc. Mmh. Et donc très audacieux, avec le problème aussi que le niveau du lac avait tendance à bouger au cours du temps, donc on n'était pas sûr qu'il y avait du liquide à l'arrivée. Voilà, mais dans tous les cas, c'était des missions donc dites un peu chères, 450 millions de dollars, ça semble beaucoup pour un individu, mais c'est. C'est en fait 4 à 5 fois moins que par exemple Curiosity qui était plutôt 2 milliards de dollars. Comment vous l'avez appris ? Alors comment je l'ai appris ? J'ai appris ça chez un ami, c'est Fabienne Casoli qui est la responsable de tous les programmes scientifiques qui m'a appelé, dans la mesure où la NASA l'avait appelé quelques minutes avant. Bruce Bannert, mon PI, en fait, avait tellement... PI, c'est le responsable scientifique. Le responsable scientifique de la mission de la NASA, était tellement, stressé qu'il avait décidé d'aller faire du camping dans un endroit où il n'y avait pas de portable. Ce qui a beaucoup embêté la NASA, d'ailleurs. Donc on a appris ça au mois d'août. Vous y avez cru ? Oui, à partir de ce moment-là, oui. C'est ça, la Fabienne Casoli appelle. Maintenant, la réalité, c'est que c'était il y a un an et demi. Et on n'a plus qu'un an et demi avant le lancement. Donc la réalité, c'est que c'est une mission qui se fait à une vitesse époustouflante, je pense, tant pour nous que pour le CNES. C'est un peu le secret de ce coup. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une mission où on doit livrer tout à l'heure, si on loupe le créneau de lancement, donc ces deux semaines en mars, le coût pour la NASA sera de 180 millions de dollars. Et ce coût peut être tel que la NASA peut décider tout simplement de tout stopper. Donc il faut qu'on soit à l'heure. D'accord. Ok. Une dernière question peut-être avant de se quitter, monsieur. Justement, moi c'était sur l'argent que je voulais poser une question. Je suis curieux de savoir comment vous arrivez à convaincre les pouvoirs publics, enfin le ministère, etc., de donner de l'argent pour aller chercher, savoir s'il y a des tremblements de terre sur Mars. Alors oui, peut-être répondre pour l'argent. Vu que c'est le CNES qui a l'argent, c'est le CNES qui va parler. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Les pouvoirs publics, comme vous dites, enfin, en gros, c'est le ministère de la Recherche pour nous, allouent un budget au CNES. On est une agence spatiale, donc tout ce qui n'est pas... tout ce que l'industrie ne fait pas en termes de télécom qui lui rapporte de l'argent, l'industrie vend des satellites de télécom, c'est un marché indépendant de l'État, qui est complètement privé, qui représente 80% du marché d'Ariane. Ça, c'est du privé, on n'est pas là-dedans, nous. Et par contre, pour ce qui est de la science, pour ce qui est des programmes militaires, pour ce qui est des programmes d'observation de la Terre, qui n'ont pas de recettes financières, là, c'est public. Et on fait ou on ne fait pas. Alors, on fait s'il y a une volonté politique de faire de la science. Je pense qu'on est dans un pays suffisamment évolué pour à la fois se préoccuper des problèmes de cette planète et aussi aller voir s'il y a des tremblements sur Mars. Voilà. Donc, on a un budget qui est pour la France et pour le CNES en particulier, les programmes scientifiques, c'est typiquement une soixantaine de millions d'euros par an pour tous les programmes scientifiques du CNES. Voilà. Et c'est beaucoup, mais le spatial est cher. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pourquoi c'est cher ? Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, ce qu'on envoie là-haut, il faut que ça marche. Absolument. Et pour vérifier... Le coût, c'est simplement des salaires. Hein. C'est pas le matériau qui est cher, c'est pas la feuille d'or qui est sur le... Ça, c'est pas ça qui coûte cher, mais c'est le nombre de personnes qu'il faut payer pour faire en sorte pour être sûr que ça marche. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Curiosity, je crois que c'était 2000 personnes. 2 milliards et demi de dollars à l'arrivée. Voilà. Donc, ça a un coût. Je pense que, bon, à l'heure actuelle, il y a 70 personnes en France qui travaillent sur cet instrument. Plus d'une trentaine chez l'industriel. Notre industriel a 2 équipes par jour, tout de suite, donc une équipe matin, une équipe midi. Et donc, encore une fois, c'est un temps de développement tellement court qu'il y a une concentration de force. Je pense que tout le monde est très fatigué tout de suite. Donc, toutes les équipes sont extrêmement, sollicitées. Et voilà, donc... ça représente des sommes importantes, c'est une somme assez faible finalement par rapport à la mission. Et puis après, ça fait travailler 70 personnes pendant 3 ans pour un instrument comme ça. Et puis effectivement, on est dans la science fondamentale. Là, on va vraiment en apprendre plus sur l'intérieur de Mars. On peut comparer ça évidemment à la Terre. On peut essayer de mieux comprendre pourquoi l'un et l'autre ont divergé. Il y a des relations, hein, on a vu tout à l'heure avec l'apparition de la vie. C'est des questions quand même fondamentales. Et puis, qui sait, ça peut aussi avoir des conséquences pratiques, utiles. Il faut savoir, par exemple, que ce que j'ai appris, c'est que les satellites GPS n'auraient pas la précision qu'ils ont si on n'avait pas intégré certaines données qui viennent de la relativité d'Einstein. Hein. Donc voilà, la relativité d'Einstein, qui paraît quelque chose de si abstrait, eh ben, elle a des conséquences tout à fait pratiques, notamment avec le GPS. On en sait un petit peu plus maintenant sur Mars, comprendre Mars pour comprendre la Terre, sur la géophysique. Merci beaucoup de nous avoir permis d'en savoir un petit peu plus. Avant de vous applaudir définitivement, je voulais vous rappeler quand même, l'année prochaine, on continue avec donc la fiction et l'espace le 21 octobre, les débris spatiaux le 18 novembre, on va parler de Philae le 16 décembre, et on aura probablement, on espère, hein, Thomas Pesquet, le spationaute, le 20 janvier, ici, ce serait formidable. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve l'année prochaine. Merci à Thomas. Donc, c'était la première avec nous ce soir. Bravo Thomas, merci. Et merci à Francis Rocard et à Philippe Cognonnet pour toutes leurs explications. Merci infiniment. On vous souhaite le meilleur. On est avec vous. Il faut que ça marche. Voilà, on est super fiers, hein, évidemment, grâce à vous, de cette première qui va être réalisée. Et puis merci au public pour les questions. Merci infiniment. Et on se retrouve donc l'année prochaine. Rendez-vous toujours au même endroit, le 21 octobre. Au revoir, merci beaucoup. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.